Bonsoir, bonsoir, bienvenue, il est 20h30, vous êtes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. C'est la Radar du Sport, bien entendu, très heureux de vous retrouver pour l'un des derniers lundis des émissions standards, des émissions classiques, puisque à partir, non pas de lundi prochain, mais du lundi suivant, c'est-à-dire le lundi 10 juillet, nous passerons en mode été, avec les émissions de l'été, sur l'horaire habituel, 19h30 jusqu'à 20h30, 21h, enfin voilà, en fonction de l'actualité. Donc voilà, à partir du 10 juillet, la semaine prochaine, vous retrouverez encore le camarade Manu qui sera là pour The Rock, c'est sa dernière de la saison. Et puis nous, on sera là à partir de 20h30, mais le lundi 10, donc, rendez-vous 19h30 pour l'horaire estival. Très heureux en tout cas de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Je serai tout à l'heure en compagnie de Hugo qui sera avec nous pour débriefer comme d'habitude la page football ainsi que la page tennis aussi. Un petit mot, même si la saison c'est vrai de tennis est un petit peu plus calme pour le moment, mais ça va revenir très très fort. Donc il sera avec nous tout à l'heure pour en parler. Le football, justement, le programme. Nous reviendrons bien sûr sur les deux dernières journées des qualifications à l'Euro, avec deux victoires à la clé pour l'équipe de France. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure. On parlera aussi de l'Euro chez les Espoirs, qui a très bien démarré pour nos Bleus, qui sont pour le moment à deux victoires sur les deux premiers matchs, qui sont quasiment qualifiés pour les quarts de finale. On parlera également du mondial chez les filles qui arrive, hein, l'équipe de France féminine qui va démarrer dans quelques jours son mondial. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aussi, avec une équipe on s'est un petit peu décimée, dans une attaque surtout décimée. Voilà, on en reparlera également tout à l'heure. Et puis bien entendu, comme d'habitude, le point mercato, un petit flash info avec Hugo tout à l'heure aussi sur le mercato en cours. Voilà donc le programme sur le foot. Pas mal de choses encore. On aura également, tiens, une info sur Sergio Rico, hein, qui va mieux. C'est une bonne nouvelle, on en parlera également tout à l'heure. Un mot aussi pour sur Toulouse, on en parlera tout à l'heure. Toulouse qui, on le sait, doit trouver des solutions pour jouer la Ligue Europa la saison prochaine. On en avait parlé, on en reparlera évidemment tout à l'heure parce que des nouvelles infos sont arrivées. Puis bien sûr les infos sur les arrivées des coachs et des joueurs dans les différents clubs, on en parle tout à l'heure. On aura également ce soir, donc je le disais, du tennis avec le point à quelques jours maintenant de Wimbledon, hein. Les qualifications ont démarré avec des Français bien sûr engagés, on en reparlera tout à l'heure également. Carlos Alcaraz qui est de nouveau numéro 1 mondial après sa victoire et son titre dans le tournoi du Queens, c'était hier, voilà, qu'il s'est imposé l'Espagnol en battant, on en parlera tout à l'heure, en battant en finale Alex de Minaur, premier titre pour lui sur gazon à quelques jours seulement donc de Wimbledon, dont on parlera tout à l'heure. Voilà pour le tennis. On parlera aussi de basket avec des mouvements bien sûr du côté d'NBA avec la draft et on le sait l'arrivée d'Enyama, pardon, du côté de San Antonio Spurs, on en reparlera également tout à l'heure. L'Euro féminin qui termine les Bleus 3e médaillé de bronze, on en parlera aussi bien sûr. Et puis la Coupe du Monde chez les Bleus qui arrive aussi, des nouvelles infos également tout à l'heure. Ça, ce sera donc pour le basket. Du handball aussi, quelques mots sur les dernières actualités, voilà des petites choses encore qui sont arrivées, notamment concernant les clubs engagés en Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, il y a des petites infos de ce côté-là. Et puis comme d'habitude, la page sport mécanique, MotoGP avec malheureusement une mauvaise opération chez les Français avec la chute de Quartararo et de Juan Zarco. On verra sur la même chute, hein, qu'ils se sont entraînés. Bagnaia lui de son côté s'impose à nouveau. L'actualité de Formule 1 également. Et puis victoire de Sébastien Ogier aussi en rallye. Lui qui, on le sait, fait quelques rallye cette saison, eh bien, s'est de nouveau imposé sur ce rallye du Kenya. Voilà le programme de la soirée. Pas de direct ce soir. Vous aurez compris, hein, évidemment, tout est terminé. Je regarde, il y a un match de tennis, mais qui est quasiment fini. Qui concerne Iga Świątek, la numéro 1 mondiale, qui est en train de servir pour recoller une manche partout dans son match. Mais sinon, évidemment, pas de direct ce soir. On marque une première pause et puis on va revenir tout de suite pour enchaîner avec les premières infos, les premiers résultats. Et puis je vous rappelle, encore une fois, vous choisissez le son que vous voulez écouter. Voilà, donc c'est vous qui choisissez. Comme d'habitude, vous faites la sélection sur le Facebook, la Ride d'Arc du Sport. Et puis je vous le rappelle que pour nous écouter, bien sûr, 96.2 évidemment sur les fréquences. Et puis sinon, bien sûr, le site radio-arc-en-ciel.com où vous pouvez bien entendu suivre le direct partout en France, dans le monde même. N'hésitez pas, si vous êtes en voiture, si vous êtes au travail, bon courage, ou à la maison, allez-y, n'hésitez pas sur le site radio-arc-en-ciel.com. On démarre avec, je disais, un premier titre et on revient juste après. On démarre avec un premier titre de David Guetta. C'est le dernier son de David Guetta. On écoute tout de suite, c'est I'm Good. Et puis juste après, donc, on démarrera avec la MotoGP et la très mauvaise opération française sur le Grand Prix d'hier. Et puis aussi Formule 1, bien sûr, avec le retour du Grand Prix ce week-end. David Guetta, I'm Good, c'est tout de suite sur Arc-en-Ciel, 20h37. À tout de suite pour cette première partie, donc sport mécanique. À tout de suite. David Guetta avec I'm Good, c'était le premier son pour ce soir. N'hésitez pas pour la suite à faire vos propositions. On va tout de suite bien démarrer tranquillement l'émission, dérouler le programme avec hier c'était ce Grand Prix MotoGP des Pays-Bas avec les Français qui étaient sur le départ avec pourtant une bonne position sur la grille de départ en ce qui concerne en tout cas Fabio Quartararo hein, qui était troisième au départ et qui a vite chuté en tout cas qui a vite dégringolé au classement avant une chute qui a entraîné Zarco en plus dans le coup voilà donc Quartararo et Zarco qui ont chuté ensemble et dès le troisième tour hein, c'était très tôt. Et à ce moment-là, donc Quartararo était 12e, qui a perdu l'avant de sa moto. Et il a entraîné donc Juan Zarco dans son sillage, qui était derrière lui. Et malheureusement, les deux pilotes n'ont pas pu repartir. Et ça fait que les deux pilotes ont dû abandonner, malheureusement. Donc dans cette opération, Quartararo, pour le coup aussi, a été blessé lors de sa chute. Et il a été opéré aujourd'hui du pied gauche. Voilà, puisqu'il était déjà touché sur ce pied gauche et qui notamment avec une fracture du gros orteil qu'il avait subi dans la semaine et ça n'a pas au contraire bien entendu amélioré les choses et ça a dû passer par la case opération donc aujourd'hui et Fabio Quartararo qui était également touché au coude. Voilà, mais il sera évidemment au prochain rendez-vous puisque là il y aura une grosse pause estivale. Reprise le 6 août en Grande-Bretagne, donc ça laisse plus d'un mois de repos pour se remettre tranquillement pour le pilote français. Et puis, sinon, ce Grand Prix, évidemment, il a été au bout. Hein, évidemment, ce Grand Prix des Pays-Bas, nouvelle victoire pour Francesco Bagnaia, c'est sa quatrième cette saison, et donc il s'impose tranquillement sur cette course. Il est du coup leader au général, bien entendu le pilote italien, leader du classement général avant cette trêve, voilà qui sera la bienvenue pour nos Français. Donc Bagnaia premier devant Jorge Martin l'espagnol et Marco Bettecci l'italien également troisième donc de ce classement général. Voilà pour l'instant le point. Après ces premières courses, un Grand Prix d'ailleurs qui devait avoir lieu aussi avant la trêve, qui va avoir lieu le 9 juillet au Kazakhstan, qui avait été annulé. Voilà pourquoi la trêve intervient si tôt dans cet été et reprise, je vous le disais, donc le 6 août prochain, Grand Prix de Grande-Bretagne, avant donc une deuxième partie de saison qui sera un peu plus longue d'ailleurs que cette première partie, avec notamment une grosse tournée asiatique avec l'Inde, le Japon, l'Indonésie, il y aura une partie aussi en Australie, la Thaïlande, la Malaisie, le Qatar, voilà, toute une deuxième partie qui va beaucoup se dérouler en Asie. Il y aura comme donc en Europe la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Catalogne et Saint-Marin. Mais ensuite ce sera une grosse partie asiatique. Voilà donc le point sur cette première partie de saison qui voit, je le disais pour le moment, l'Italien Bagnaia avec presque à peine une cinquantaine de points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin, donc au classement général, et puis Juan Zarco qui est le premier français et cinquième 109 points. Quartararo est plus loin à la 9e place. En Formule 1, là aussi, on a une saison qui se poursuit. Cette saison pour le moment qui voit Max Verstappen évidemment largement leader. Il restera encore deux courses avant une petite pause. Il y aura l'Autriche d'abord dimanche, le Grand Prix d'Autriche. Il y aura la Grande-Bretagne qui va suivre. Et puis enfin, il y aura deux autres Grands Prix au mois de juillet, la Hongrie et la Belgique. On restera en Europe avant une trêve d'un mois, puisque là aussi, on prendra fin août cette saison de Formule 1. Pour le moment, je le disais, Verstappen, pardon, largement leader. 195 points pour 126 points pour Perez qui est deuxième. Voilà l'avance énorme déjà du pilote Red Bull qui est sur une saison incroyable. 6 victoires sur les 8 courses pour l'instant disputées. Voilà, donc c'est du presque sans faute. Et puis voilà, donc rendez-vous dimanche en Autriche pour donc voir un petit peu le suivi de cette saison. Deux infos aussi, l'un qui concerne Alpine et Ryan Reynolds, l'acteur américain qui devient investisseur d'Alpine. Donc, c'est un groupe d'investisseurs, notamment dont fait partie Ryan Reynolds, qui a injecté donc 200 millions d'euros dans l'écurie Alpine. Et puis un autre acteur de renom aussi, Michael Jordan, est aussi dans le coup pour faire partie de ces investisseurs. Donc voilà, l'Alpine qui continue de se développer, l'écurie française, on rappelle, avec Pierre Gasly et Esteban Ocon. Donc voilà une bonne nouvelle pour ces deux pilotes français, qu'on le sait donc également, Michael B. Jordan qui pourrait aussi arriver en tant que co-investisseur. Donc on espère évidemment que ça continue pour pouvoir voir Alpine un petit peu plus haut encore. Voilà concernant les infos en Formule 1. Et puis dernière information sur les sports mécaniques, c'était au Kenya hier, le rallye du Kenya, rallye safari du Kenya, avec la participation de Sébastien Ogier sur cette course, sur ce rallye. Et c'est Sébastien Ogier qui sort vainqueur donc de ce rallye. C'était serré avec son coéquipier Color Ren Parra, le Finlandais, puisqu'il y a seulement 6 secondes d'avance au final pour le Français. Et puis c'est un quadruplé pour Toyota, puisque Elfyn Evans est troisième, et puis Katsuta, pardon, le japonais, quatrième, donc 4 Toyota en tête. Et donc Sébastien Ogier qui s'impose de peu. Ça a été une course jusqu'au bout avec son coéquipier, mais c'est bien lui qui s'impose à l'arraché donc, et qui remporte pour le coup son troisième rallye de la saison, lui qui, on le sait, participe seulement à quelques rallyes, mais ça fait quand même 3 victoires pour l'instant sur les 4 rallyes disputés, donc c'est une belle performance. Il est troisième au général, à égalité avec Ott Tanak, un point de retard sur Elfyn Evans. Et puis c'est Cole Ramen Parra qui fait une belle opération en général, puisqu'il est, lui, à 140 points. Donc une belle avancée, quarantaine de points d'avance sur les poursuivants qui sont derrière. Mais en tout cas, nouvelle grosse opération pour Sébastien Ogier, en s'imposant encore une fois, 58e victoire en WRC. Et il sera encore présent dans quelques étapes de la saison qui va se poursuivre fin juillet maintenant. L'Estonie qui sera au programme. Et puis ensuite, il y aura toute la partie, notamment en Finlande, la Grèce. Et puis il y aura une fin de saison qui nous emmènera en Amérique du Sud ou encore en Asie. Voilà, en tous les cas, pour l'instant, toujours le Finlandais Ren Parra, le champion du monde en titre, qui est leader plus que jamais de ce championnat du monde des rallyes. Voilà pour les infos mécaniques. On va poursuivre avec la suite. Pour vous dire que également, on avait un direct qui était en cours tout à l'heure, qui doit être toujours en cours d'ailleurs, en tennis. C'est la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. On rappelle, récent vainqueur de Roland Garros, quitte pour l'instant bataille dans son match du premier tour du tournoi de Hambourg. C'est un tournoi sur gazon. On rappelle évidemment l'arrivée prochaine donc de Wimbledon. Elle est opposée à Tatiana Maria, l'Allemande. Pour le moment, elle a perdu la première manche 7-5, mais elle vient de gagner la deuxième manche 6-2. Elle démarre début donc à l'instant du troisième et dernier set donc de ce premier tour de ce tournoi donc de Hambourg, et pas Hambourg, hein, c'est bien Hambourg. Et puis quelques Français aussi étaient aujourd'hui engagés, notamment Lucas Van Hache qui s'est imposé en 3 manches dans le tournoi de Eastbourne, et puis de Grégoire Barreur, lui aussi vainqueur en 3 manches dans son match, donc qui sont qualifiés pour la suite de ce tournoi. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Et puis Richard Gasquet, malheureusement, lui, c'est fini. Premier tour du tournoi de Majorque, qui a été battu en 2 manches 6-3, 6-4 par Thompson, l'Australien. On en reparlera bien sûr tout à l'heure. On poursuit, on change complètement d'univers avec le handball. Le handball, alors peu d'informations, mais on connaît quelques infos concernant la Ligue des Champions prochaine. On rappelle que Paris Saint-Germain était en Final Four de Ligue des Champions, malheureusement une nouvelle fois battu en demi-finale de cette Ligue des Champions, malheureusement qui se refuse toujours à lui, une défaite d'un petit but face à Kiel en demi-finale, et qui jouait ensuite son match pour la troisième place face au Barça, qui a été battu aussi dans son match pour la troisième place, malheureusement. Et la victoire donc dans cette finale des champions est revenue à Magdebourg, qui s'est imposé aux prolongations face à Kiel, qui avait déjà fait tomber le Barça au tir au but. Donc grosse sensation pour cette équipe qui donc remporte cette Ligue des Champions, évidemment pour la première fois de son histoire. Donc une belle saison pour eux, qui donc remporté ce titre donc aux prolongations, donc premier titre depuis la création du Final Four, mais sinon c'est le quatrième titre européen du club allemand. Mais les précédentes fois c'était des matchs demi-finale aller-retour, donc un nouveau format qui est remporté pour la première fois par cette équipe de Magdebourg. Voilà en tout cas pour ces infos. Et puis donc l'année prochaine, Montpellier et Brest ont été invités en Ligue des Champions. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Européenne la semaine dernière. Montpellier et Brest, donc Montpellier chez les hommes et puis Brest chez les femmes, voilà un club de chaque invité. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Paris, Metz étaient qualifiés, donc Paris chez les hommes et Metz chez les femmes. Et puis Nantes qui était candidate aussi pour être invitée n'a pas été retenue, malheureusement. Et tirage au sort aura lieu demain d'ailleurs à Vienne en Autriche pour savoir un petit peu les groupes pour Paris et pour Montpellier qui sont donc engagés, et puis donc pour les femmes Metz et Brest. Donc tirage au sort de ces groupes de Ligue des Champions demain. Voilà pour les infos. Il y avait peu de choses, je le disais. Juste une dernière info qui concerne le Hall of Fame de la Fédération Européenne de Handball, qui a donc élu 8 Français intronisés, donc notamment 60 joueurs au total, mais 5 Français: Didier Dinard, Michael Guigou, Daniel Narcisse, Thierry Meyer ou encore Jackson Richardson, et puis également 3 Françaises: Cano, Omiaro et Nicolas, donc qui a créé son Hall of Fame. Et à partir d'aujourd'hui, donc 60 joueurs vont être intronisés et 8 Français donc sont font partie de ce Hall of Fame, avec notamment des joueurs qui ont participé aux fameuses générations de titres olympiques, mondiaux, européens entre 2006 et 2021, également Jackson Richardson, vainqueur du premier titre mondial français, et puis aussi les filles, je le disais, des joueuses membres de l'équipe de France championne du monde en 2003, qui vont être récompensées donc dans ce fameux Hall of Fame. Voilà les petites infos qui tombent aussi du côté du handball. C'est tout pour le handball. Je vous le disais, peu de choses. On attend bien sûr le retour de la saison pour Saran, qui va tranquillement reprendre le chemin des terrains dans quelques semaines. Il y a le temps encore, évidemment, puisque la saison elle va reprendre elle début septembre. Donc pour l'instant, on se repose et puis on va reprendre tranquillement les entraînements pour Saran. Donc avec, on l'espère, un groupe qui sera à la hauteur de cette Star League pour essayer de se maintenir. On le suivra avec attention, évidemment, ce retour de Saran dans cette Star League. Dans un instant, du basket et du rugby au programme. Le basket, évidemment, toutes les informations de la draft avec Mbanyama et bien entendu Victor Mbanyama. On parlera aussi de l'Euro féminin qui s'est terminé hier avec la victoire de la Belgique. Et puis rugby avec le début. On ne l'a pas donné comme info dans le sommaire, mais évidemment les débuts de la Coupe du Monde des Espoirs, et qui a bien démarré aussi pour les Bleus. On en reparle juste après petite pause et on va se retrouver ensuite. Les directs, un petit point sur la rencontre que l'on suit. Qu'un match, je le disais aujourd'hui, hein, suivre, c'est bah, évidemment un petit peu partout la trêve. Et c'est le match pour la numéro 1 mondiale Iga Świątek chez les femmes, posé à Maria. Tatiana Maria, l'allemande, 1-0, break en poche pour break en poche pour la numéro 1 mondiale qui a fait une belle opération pour l'instant. Si ça se maintient, 2-0, elle a à l'instant confirmé son break, donc la numéro 1 mondiale qui pour l'instant s'en sort dans cette deuxième manche, dans cette troisième manche pardon. Mais attention, le match n'est pas fini, on peut encore encore inverser tout ça, donc restons concentrés. Gaziantep pour l'instant devant dans cette rencontre. Une pause et on revient juste après donc pour la suite et je le disais donc du basket, du rugby, puis ensuite on aura Hugo avec nous pour la dernière partie d'ici un gros quart d'heure. Le son, c'est Kaigo que l'on écoute tout de suite. Kaigo avec ce titre Say Say Say. Bien sûr, Paul McCartney et Michael Jackson dans cette reprise. À tout de suite, 20h56 sur Arc-en-Ciel. Cette reprise de Paul McCartney et Michael Jackson, c'était Say sur Arc-en-Ciel pour la rédaction du sport. De retour pour cette deuxième partie, on va revenir sur l'actualité basket dans un premier temps avec, on le rappelle, deux informations. La première qui concerne l'Euro, la fin de l'Euro féminin, et puis l'autre qui concerne bien sûr l'actualité de Victor Wembanyama qui, on rappelle, vient d'arriver aux côtés de San Antonio Spurs et puis ce qui va aussi faire écho à sa non-participation au mondial. On en parlera après avec l'équipe de France, on en parlera aussi de ces infos juste après. Mais d'abord la fin de l'Euro féminin qui a vu la Belgique remporter le titre pour la première fois son histoire. La Belgique, on rappelle, qui depuis peu a été remaniée avec un nouveau coach et qui avait de grosses ambitions. Ben, ambitions affichées et validées avec cette victoire en battant en finale l'Espagne, habituée des finales et qui était d'ailleurs bien devant tout au long de la rencontre, pendant plus de 35 minutes, et l'Espagne qui était devant, et puis la Belgique a inversé la tendance finalement dans les 5 dernières minutes, puisque voilà, l'Espagne menait encore assez largement à la fin du troisième quart-temps, et puis finalement la Belgique petit à petit a inversé la tendance pour passer devant et s'imposer, donc finalement 64-58, le premier titre dans leur histoire hein, pour la Belgique, qui ont fait un récital dans cette fin de match. Et puis notez que les Bleus ont terminé troisième en s'imposant en petite finale face à la Hongrie 68-82. Les Bleus battus, on le rappelle, en demi-finale face à la Belgique justement 67-63. Ouais, c'était match serré, mais les Bleus qui ont craqué et qui n'a pas réussi son comeback puisqu'il était largement mené, qui a failli faire le plus dur en revenant, et finalement les Belges ont tenu bon et s'imposent donc de 5 points dans cette demi-finale, et qui donc s'impose dans cet Euro pour première fois. Donc France 3ème place, et ça faisait un moment que les Bleus n'avaient pas été en finale. Il y avait eu de nombreuses finales consécutives, et cette fois elles n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Voilà, on espère les revoir vite maintenant. Ce sera bien entendu les JO et le Mondial aussi l'année prochaine, donc de grosses échéances encore à venir pour cette équipe de France, bronze sur 7 euros. L'été arrive avec là aussi une compétition chez les hommes, cette fois ce sera le Mondial, ce sera sans Victor Wembanyama, qui a annoncé sa non-participation au Mondial. On rappelle qu'il avait annoncé plusieurs fois qu'il avait envie en tout cas de venir jouer avec les Bleus lors de cette Coupe du Monde, et finalement il faudra attendre au moins les JO de Paris pour le voir prendre part à une phase finale avec les Bleus. On rappelle, il est arrivé lors de la draft d'abord à New York pour ses 4 jours de draft, lui qui est arrivé premier dans la première place de la draft NBA, c'était jeudi soir, et puis dans la foulée son arrivée du côté des San Antonio Spurs, voilà, donc qui arrive du côté de San Antonio, donc bravo à lui, qui a été félicité aussi par Tony Parker, évidemment, lui qui a été l'un des artisans des titres avec les Spurs. Donc l'arrivée donc de Victor Wembanyama en NBA, c'est fait, mais malheureusement on ne l'aura pas tout de suite du côté de la Coupe du Monde, qui aura lieu, on le rappelle, du 25 août au 10 septembre en Indonésie et aux Philippines, et il faudra faire sans lui, heureusement pour les Bleus. Rudy Gobert sera bien de la partie. Est-ce que la décision de Wembanyama a dû jouer sur la sienne, on ne sait pas, mais en tout cas il sera présent, le pivot de Minnesota, c'est ce qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il sera présent avec les Bleus, c'était aujourd'hui même dans la journée, il y a 2 mois il avait annoncé être très indécis sur sa participation. Finalement il a pris sa décision et il sera présent. Il sera évidemment important pour l'équipe de France, puisque ce sera lui qui sera le pivot des Bleus pendant ce mondial, en l'absence donc d'Wembanyama. C'est ce mondial qui se profile tranquillement. On aura d'autres, on espère, confirmations de participation d'ici là, mais pour l'instant la seule officialisation, c'est celle de Rudy Gobert qui sera bien présent pour ce mondial, donc fin août. Voilà pour le basket. Peu d'infos, donc je le disais, cette draft NBA, ça y est, qui est faite, qui est jouée, et puis Rudy Gobert pour le mondial, les dernières infos que l'on a sur le basket depuis cette fin d'Euro, donc avec les Françaises 3e finalement. Autre compétition qui est en cours, c'est concernant le rugby, et le début donc du mondial U20, du mondial des espoirs chez les Bleus, chez les Bleuets, qui ont bien démarré leur compétition en s'imposant assez largement face au Japon 75-12, qui prend la tête directement du groupe en compagnie de la Nouvelle-Zélande qui de son côté s'est imposée sur la plus petite démarche 27-26 face au Pays de Galles. Donc la Nouvelle-Zélande également avec le bonus offensif qui prend la tête avec 5 points également aux côtés des Bleus. Le Pays de Galles, malgré sa défaite, prend 2 points puisque qui a marqué les deux bonus, et offensif et défensif. Voilà, on peut quand même marquer des points en perdant, hein, c'est le cas de Pays de Galles, 2 points. Puis le Japon, donc dernier avec 0 point. La France jouera probablement la finale déjà du groupe face à la Nouvelle-Zélande. Ce sera cette semaine, ce sera jeudi, cette rencontre. Jeudi à 13h30 pour cette deuxième rencontre. Le Pays de Galles affrontera le Japon dans l'autre rencontre. Et puis enfin, la France rencontrera le Pays de Galles. Et ça, ce sera le 4 juillet, donc mardi de la semaine prochaine, pour clôturer cette première phase. Et puis ensuite, il y aura la phase finale, bien sûr, avec les demi-finales qui vont avoir lieu donc dans la foulée. Donc on espère évidemment être présent du côté des Bleus pour se qualifier pour cette dernière phase. Et puis il y aura tout le monde sera classé, on le rappelle, puisque il y a des matchs pour toutes les places. On rappelle qu'il y a 3 groupes dans cette compétition, 3 groupes de 4, donc 12 places, donc tout le monde sera classé au bout du compte. Et voilà, il faudra essayer de se qualifier pour les demi-finales. On rappelle les premiers, pardon, de chaque groupe plus le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales. Voilà, donc ça fait peu de place. Évidemment, faudrait évidemment finir premier pour s'assurer cette place, et puis sinon il faudra passer par peut-être la meilleure deuxième place. Donc pas facile. Il faudra déjà gagner, on l'appelle, face à Nouvelle-Zélande jeudi pour s'assurer normalement, en cas de succès, eh bien cette première place. On le suivra en tout cas donc jeudi pour cette rencontre face au All Black. Autre info concernant le rugby, qui concerne l'une des affaires qui est en cours concernant Mohamed Awas, qui est entendu par le juge d'application des peines aujourd'hui. On rappelle qu'il avait été condamné le 30 mai dernier à un an de prison ferme pour violence conjugale. Il est passé aujourd'hui devant le juge d'application des peines. Une décision pour peut-être l'aménagement de sa peine devrait être connue à l'automne prochain. On aura encore des infos, bien sûr. Et puis clairement débouté par les prud'hommes aussi concernant la suspension de contrat de son joueur. Voilà, c'est ce que a annoncé le conseil des prud'hommes de Clermont aujourd'hui, qui a débouté donc Clermont de sa demande de suspension de contrat de Mohamed Ouass. Donc il sera présent à Clermont le 1er juillet, date de début de son contrat. Donc en attendant une décision de son club sur son sort, donc on en saura plus prochainement, notamment au 4 septembre, une audience aura de nouveau lieu. En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée. Et pour le moment, Mohamed Ouass est bien un joueur de Clermont malgré sa peine pour le moment. On en saura plus dans les prochaines semaines. Voilà sur le rugby. Voilà, on attend bien sûr la suite de cette Coupe du Monde des U20, des espoirs. Mais sinon, voilà, rien d'autre non plus de ce côté-là. Dernière info avant de marquer une pause et de retrouver Hugo dans quelques minutes, concerne le volley de la Ligue des Nations. L'équipe de France, on rappelle qu'il jouait toute la semaine dernière à la Comète d'Orléans pour cette deuxième étape de la Ligue des Nations, de ce tour préliminaire. Les Bleus qui jouaient 4 matchs. Il y avait pas mal de matchs d'ailleurs, si vous êtes allé voir au Comète, c'était assez sympa. 4 matchs des Bleus, puis il y avait plein de matchs qui ont lieu toute la semaine. Notamment les Bleus, eh bien, qui ont joué d'abord face à l'Argentine, défaite 3-7-1, pardon. Défaite ensuite aussi face victoire pardon face à Cuba, face au Canada, à chaque fois 3-0. Et puis défait hier face au Brésil, 3-1. Dans un match qui a été longtemps indécis, mais les Bleus battus finalement 3-1 par les Brésiliens et qui sont loin au classement. Sont seulement 10e avec 9 points. Et on rappelle les 8 premiers se qualifient. Le 8e place pour l'instant, c'est les Pays-Bas, 14 points. Il y a un petit peu de retard encore pour les Bleus. Le Japon est en tête, 8 sur 8, invaincu jusque-là. Le Japon, ouais, qui est vraiment sur une grosse, grosse série, qui avait battu les Bleus lors de la première. Lors de la deuxième rencontre, pardon, de cette. De cette édition et qui est en tête. On retrouve les États-Unis aussi juste derrière, le Brésil, la Slovénie, la Pologne, des équipes habituées, hein, l'Argentine, l'Italie, Pays-Bas pour l'instant, et la France qui voit s'éloigner le Final 8. Il restera une étape encore pour espérer, pour y croire. Ce sera à partir du 4 juillet, donc mardi prochain, une troisième étape, une ultime étape. Il y aura l'Iran au programme. On aura donc l'Iran, la Serbie, les États-Unis et l'Allemagne. Voilà, pour essayer de grappiller des points et aller se qualifier pour ce Final Four. Pour l'instant, les Bleus, 3 victoires seulement pour 5 défaites. Il va falloir s'accrocher fort, fort, fort pour essayer d'aller chercher ce Final 8. Et puis, on rappelle, on aura le retour d'Erwin Engapet qui était de passage hier à Orléans pour assister à France-Brésil. Et qui avait d'ailleurs confirmé sa signature en Turquie et vient de confirmer sa signature à Ankara. Et il va retrouver donc les Bleus pour la fin de cette Ligue des Nations. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour essayer d'aller grappiller les 4 matchs pour espérer encore se qualifier pour la suite de cette édition de Ligue des Nations. Voilà le point sur les Bleus et du volet qui sont pas en grosse grosse forme pour l'instant. Mais voilà, on espère que ça va vite revenir sur cette dernière semaine de compétition la semaine prochaine. On va marquer une pause dans un instant et ensuite tennis et foot. Ce sera dans quelques minutes donc avec Hugo qui sera avec nous pour l'évoquer et puis du son bien sûr toujours pour continuer avec vos propositions et puis ensuite on va revenir juste après. Pour évidemment continuer avec tout ça et plein d'infos sur le foot. Et évidemment, on va écouter ce titre. Tiens, il y a les indirects aussi qui sont en train de se terminer. C'est Gains Giantec qui mène 5-0. Là, elle va servir pour le gain du match tout simplement. Elle a vite inversé la tendance dans ce match. Elle qui avait perdu la première manche, mais voilà, ça s'est vite inversé et elle devrait probablement s'imposer normalement dans un instant. Elle qui mène donc 5-0 dans la troisième manche dans cette rencontre du premier tour donc de ce tournoi de Hambourg sur gazon. On rappelle que Wimbledon arrive très très vite. On en parle après. Tout de suite, on écoute Sound of Legends, c'est I'm So Exciting sur Arc-en-Ciel, tout de suite. We'll be right back. C'était I'm So Exciting sur Arc-en-Ciel pour cette deuxième pause déjà. Et nous, on revient pour la troisième partie avec donc le direct que l'on suivait qui est fini. Peut-être, je vais vérifier tout de suite, mais je crois que c'est terminé. Oui, elle a fini par s'imposer assez finalement facilement dans cette dernière manche, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Vainqueur finalement 5-7, 6-2, 6-0. Elle a déroulé hein, littéralement dans les deux dernières manches. Petit trou d'air dans le premier set, mais finalement elle a déroulé et elle s'impose facilement face à Tatiana Maria, l'Allemande, et elle se qualifie pour le deuxième tour de ce tournoi de Hambourg sur gazon. On en reparlera, on va en parler dans un instant d'ailleurs avec le tennis qui arrive. Mais avant cela. On a normalement Hugo qui est avec nous. Enfin, il y a eu un tout petit bug technique, mais il va être avec nous. Il va être avec nous dans une poignée de secondes pour débriefer avec nous le tennis très rapidement, et puis bien sûr le foot ensuite pour évoquer toutes les dernières infos de foot, plein de choses. Hein, évidemment, vous le savez. Avec l'Euro Espoir en cours, on a le Mondial féminin qui arrive. On a plein de choses qui arrivent et mais bien sûr pour en parler avec nous c'est Hugo qui est avec nous. Il y avait un tout petit bug technique évidemment puisque j'ai pas appuyé sur les bons boutons, donc c'est le normal si ça ne fonctionne pas, mais normalement si cette fois j'ai bien fait les choses, on devrait être avec Hugo si il nous entend. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Ouais, ça y est, ça y est, il est là. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Pas trop de matchs en ce moment, mais bon, une petite cure, des fois, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Il y a quelques matchs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose encore. Ouais, voilà, on se bat un peu, bon, on va en parler, mais l'Euro, U21, enfin, les espoirs. Donc voilà, mais ça fait du bien aussi, des fois, de décrocher un peu. On se remet un peu à zéro. C'est ça. On sera prêt pour bien repartir en début août. Voilà, c'est ça. Alors, avant de parler de foot, bien sûr, un tout petit peu de tennis, il y a encore des petites choses qui se passent sur ce circuit garçon. D'abord, avec Wimbledon qui arrive, évidemment. Cette semaine, on a encore quelques tournois de préparation. La semaine dernière, il y avait un tournoi principal, c'était le tournoi du Queens. Victoire et titre pour Carlos Alcaraz, qui s'impose pour la première fois sur un gazon. Et il s'impose face à Alex de Minaur 6-4, 6-4 assez facilement. D'ailleurs, il a fait une semaine quasi parfaite puisqu'il n'a pas lâché un seul. S'il a lâché un set lors de son premier match face à un Français, Arthur Rinderknecht, c'est le seul à lui avoir pris un set. Sinon, il a réalisé une semaine parfaite sans lâcher un set. Donc, premier titre en carrière sur gazon. C'est déjà le 11e titre en carrière. Hein, ça va vite. Hein. Lui qui a seulement 20 ans. Et donc il s'impose, lui qui sera l'un des prétendants au titre pour Wimbledon, peut-être, en tout cas il se donne les moyens pour y être. Deux Français d'ailleurs qui ont gagné aussi sur des tournois Challenger, on a Quentin Alice qui a gagné à Blois, et puis Alexandre Muller, aussi un autre Français qui a gagné lui aussi sur terre battue. Cette semaine, deux tournois au programme, on a Eastbourne qui est au programme, c'est sur gazon aussi, bien sûr. Défaite aujourd'hui de Richard Gasquet, déjà, qui a été battu. On a aussi qualification, pardon, de deux Français, Grégoire Barreur et Lucas Van Hache, qu'on avait notamment vu aussi à Roland, qui se sont qualifiés pour le deuxième tour, mais c'est les seuls Français présents cette semaine. Et puis à Majorque, qui sera aussi sur gazon, on a Tsitsipas qui sera présent. Voilà, et puis les Français, donc Manarino au deuxième tour, Corentin Moutet aussi s'est qualifié pour le deuxième tour, c'est tout. Deux Français, et s'il y en a, Corentin Estienne aussi qui sera présent, mais peu de Français engagés cette semaine. Mais bien sûr, l'événement attendu, ce sera la semaine qui va suivre du 3 au 16 juillet, puisque Wimbledon arrive déjà. Rappelle que Novak Djokovic sera encore une fois plus que favori, puisqu'il a gagné les 4 dernières éditions. Et qui vient de remporter les deux premiers tournois du Grand Chelem, bien sûr. Et il a en tête, évidemment, le Grand Chelem calendaire. Pour ça, il faut passer par ce Wimbledon. Et il sera plus que favori, encore une fois, cette saison. Donc, on suivra, bien sûr, tout ça à partir du 3 juillet. Les qualifications sont en cours pour les joueurs qui ne sont pas encore qualifiés, notamment On a Benoît Paire, bah, c'est déjà fini pour lui, hein, qui était sorti par Oscar Haute, l'Allemand 6-3-6-3. Voilà, c'est déjà fini pour lui, il n'ira pas, fera pas partie du tableau final, malheureusement, le Français. Lucas Pouille, pour l'instant, est passé. Hugo Grenier, malheureusement, c'est fini aussi. On ne verra pas Wimbledon. Pierre Gerber est passé. Voilà, donc pour l'instant, c'est... Non, Hugo Grenier, pardon, ce n'y sera pas, mais Hugo Gaston, lui, passe au deuxième tour. Voilà, deuxième tour, ce sera mercredi. Donc on retrouve encore 6 Français, Arnaud Maillot, Lucas Pouille, Enzo Cuoco, Laurent Locoli, Hugo Gaston et Pierre Gerber, qui vont tenter de poursuivre l'aventure pour aller chercher le troisième tour. Assez compliqué de se qualifier pour Wimbledon, mais il faut y passer. Pour les joueurs qui ne sont pas dans le top 100, donc c'est ce qui va se passer toute la semaine pour ces Français qui vont essayer de se qualifier, et également les Françaises bien sûr. Au classement ATP, ça a bougé puisque Carlos Alcaraz est redevenu numéro 1 mondial grâce à sa victoire au Queens. Il devance Djokovic de 60 points, c'est très serré entre les deux. Et puis le top 10 peut bouger. Autrement, il y a un mouvement aussi, c'est Jannik Sinner qui prend la place de Taylor Fritz, 8 et 9. Voilà, c'est le seul changement. Et puis plus bas, il n'y a pas trop de changements. Pour nos Français, ça n'a pas trop changé non plus. Hugo Humbert est toujours le numéro 1 français. Et il est 38e. Mais sinon, voilà, il n'y a pas trop de mouvement. Puisqu'on est sur des petits tournois, donc peu de points à prendre, donc ça ne bouge pas beaucoup. Mais en tout cas, cette semaine, deux tournois sur gazon. Et la semaine prochaine, on retrouvera dès dimanche, oui, le tournoi de Wimbledon qui démarre dimanche prochain. Donc ça va arriver très très vite. Et puis dès lundi, un premier point sur les matchs qui auront démarré. En espérant cette fois avoir des Français en deuxième semaine. On verra tout ça. Est-ce que le gazon réussisse mieux que la terre battue pour nos Français. Voilà pour ce point tennis. Mais bien sûr, on va tout de suite démarrer avec le foot. Le foot avec pas mal de choses quand même, même si c'est la fin de saison, il se passe pas mal de choses. On le disait, l'Euro espoir. On a la Coupe du Monde féminine qui va bientôt arriver aussi. On a également pas mal de mercato qui bouge, enfin des choses officielles, d'autres beaucoup moins. On va faire le point sur tout ça avec Hugo, bien sûr. Tu veux commencer par quoi? Allez, je te laisse choisir le premier sujet, c'est toi qui démarre. Bon, bah, tant qu'à faire, on va parler, comme il n'y a pas beaucoup de jeux, on va parler un petit peu de jeux, et je pense on va parler un petit peu de l'Euro espoir. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, allez, c'est parti, déjà deux matchs de victoire pour les Bleus. Bah ouais, ça commence très bien, on va dire, en tout cas sur le papier. Voilà, deux matchs, 6 points, donc on est déjà sûr d'être qualifié en quart de finale. Voilà, sur le papier, comme il y a rien à redire. Après, si on regarde un peu les matchs, je sais pas si t'as vu les deux matchs. J'ai vu le premier surtout, l'Italie. J'ai vu le premier, ouais. Moi, je l'avais pas vu entièrement le premier, j'ai surtout regardé après, enfin, je me suis refait le résumé, mais il y a du très bon, il y a du moins bon. Déjà sur les choses à travailler absolument, c'est le marquage et le jeu de tête justement défensivement, c'est incroyable. J'ai revu un peu le résumé contre l'Italie, le premier match, chaque corner pour l'Italie, pour les Italiens, il n'y avait aucun Français qui sautait, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on prend le but italien, ça s'est remonté à un partout. Tête de Pellegrini, si j'ai pas de conneries, oui. Pas de bêtises. Voilà, mais personne saute, aucun Français qui saute dans la surface, donc ça j'ai trouvé ça assez impressionnant. Je pense que c'est vraiment un point où il va falloir qu'ils travaillent à l'entraînement, vraiment le marquage et le jeu tête. Enfin, il va falloir aller jouer le ballon dans les airs. Ça, c'est vraiment un point très très important à améliorer pour nos bleuets. Après, voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses. On voit qu'il y a des automatismes entre ces joueurs-là. Et c'est assez rare. Déjà si jeune, et en plus en équipe nationale, puisque tu n'es pas habitué forcément à jouer avec tout ce monde-là. Mais on sent qu'il y a des joueurs voilà qui sont un peu dans le même championnat ou qui se connaissent quand même et qui s'apprécient surtout. Je trouve que ça se sent. C'est un bon petit groupe. Il y a beaucoup d'automatisme. Il y a eu des très bonnes actions, des très bons faits de jeu. Voilà, Kalimuendo qui je trouve est très bon. Il est très bon, il est très présent en attaque. Cherki, Yadoway débat, mais j'ai envie de dire c'est propre à lui. Oui, ça fait pas d'aujourd'hui. Oui. Voilà donc. J'en oublie pas mal hein, mais non il y a des bonnes choses évidemment à garder, mais non franchement surtout améliorer Ouais, tout ce qui est marquage et jeu de tête défensivement, en tout cas, il y a un gros manque de ce point-là. Après, toi, je sais pas trop ce que tu en as pensé globalement de nos bleuets. Oui, c'est pas mal, il y a un bon groupe, enfin, un groupe qu'on connaissait déjà, mais c'est pas mal, il faut confirmer tout ça, parce que c'est quand même la Norvège, ça a été compliqué, 1-0, ça arrive tardivement. C'était une purge, hein, le match. Ouais, c'est... Jusqu'au but, ou même globalement, c'était un peu une purge. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est... Même l'Italie, on s'en sort très bien. Heureusement qu'il n'y a pas la VAR ou au moins la goal line chez les espoirs, parce que surtout si... sur leur potentiel second but aux Italiens, ouais. Oui, là il y avait but. Hein, mais même au-delà de ça, il y a eu quelques petits faits de jeu litigieux en notre faveur. Oui. Parce qu'il y a eu 2-3 fois, il y aurait pu avoir penalty pour l'Italie. Enfin, il y a eu bon. C'est vrai que sans la technologie, on se sort bien. Pour une fois, c'est pas les Italiens qui sont accusés de tricherie. Non, je rigole évidemment, mais plusieurs faits de jeu litigieux. Mais en même temps, ça nous rappelle aussi le football il y a 10 ans, hein, mais c'était comme ça. Mais, oui. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est fou qu'il n'y ait pas au moins la goal line, quoi. Ouais. C'est vrai. Surtout, même si c'est les espoirs, voilà, ça reste quand même l'euro. Ouais, c'est ça, ça reste important. Si encore c'était l'euro U17 ou je ne sais quoi, bon, là, ce serait vraiment, entre guillemets, hein, plus amateur. Mais là, c'est quand même les espoirs. La plupart jouent les grandes compétitions européennes ou dans les plus grands championnats européens. Donc c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas, comme tu dis, au moins la goal line. Mais bon, c'est comme ça. Et pour une fois, ça tourne en notre faveur. Parce que c'est vrai que le football français, sur des matchs et des faits de jeu litigieux, on n'a jamais été trop gagnants. C'est vrai que ça a tourné chez nous là. Alors les Bleus sont pas officiellement qualifiés hein, puisque l'Italie et la Suisse ont 3 points, mais il faudrait une catastrophe pour pas se qualifier. Il faudrait que la France soit battue par la Suisse et que l'Italie s'impose face à la Norvège avec des différences de buts et quoi. Donc ça paraît compliqué, mais ça peut se faire. Hein. Ça peut être, c'est possible de pas se qualifier encore. Hein. C'est encore possible, mais on va pas le souhaiter. Non. Après, bon, j'ai critiqué, voilà, comme j'ai dit, le marquage, le jeu de tête, etc. Les duels, du coup, enfin, en tout cas dans les airs. Après, comme j'ai dit, il y a des très bonnes choses. On sent que ça travaille bien. Hein, j'ai dit les automatismes. Donc, j'ai pas envie de me faire trop de soucis. J'ai pas vu la Suisse jouer, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais j'ai pas envie de me faire trop de soucis, honnêtement, pour ce match contre les Suisses. Alors, ce sera dans 2 jours, ce sera mercredi, hein, mercredi soir 20h45, en même temps que Italie-Norvège d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette équipe-là qu'on retrouvera en grande partie aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Hein. Bah oui, forcément, puisqu'on le rappelle, les Jeux Olympiques, en tout cas au foot, c'est pour les joueurs de moins de 23 ans, on a le droit à 3 joueurs au-dessus. Ouais. Au foot, donc c'est pour ça que notamment on a vu ces derniers jours Mbappé et Griezmann notamment pousser pour jouer ces JO là à Paris hein, chez nous. Ouais, ce serait beau, oui. Ce serait beau et puis essayer de faire quelque chose, hein, évidemment gagner ces JO chez nous, parce que c'est la dernière fois c'est quand, c'est 84, il me semble, ou c'est où on l'a refait après. Non, c'est 84 qu'on a gagné les JO. Oui, c'est, il n'y a pas eu d'autre victoire après, non. Il n'y a pas eu de victoire, hein, voilà. Non, non, pas de bêtises. Après la bande à Platini. Platini était au JO, à cette époque-là. Là, c'est. Ça a vérifié. Je suis arrivé à dire des bêtises, là. Ouais, ouais. Enfin, bref, c'est l'époque, en tout cas, Platini. C'est l'époque c'est l'année de l'Euro pour l'équipe de France A. Enfin, voilà. Donc, bref, je ne sais plus trop où on en vient là, mais oui, donc les JO, c'est pour les moins de 23 ans, donc pourquoi pas Griezmann Mbappé. Globalement, cette équipe-là qui sera alignée. Ouais. C'est ça. Donc, pour l'instant, ça va. On a fait quand même une bonne image de ce groupe-là. Très bien. Donc, mercredi, rendez-vous pour savoir si les Bleus iront plus loin. Les quarts de finale auront lieu ensuite assez vite, hein, dans le week-end qui suit. Pour l'instant, on peut faire un petit point sur les autres groupes. La Géorgie mène dans le groupe A avec 4 points, puis la Belgique et les Pays-Bas sont à 2 points. Le groupe B est dominé par l'Espagne et l'Ukraine avec 6 points respectivement. Ils sont sûrs d'être qualifiés. Voilà. Croatie-Roumanie 0. Donc il y aura une finale entre les deux puisqu'ils se rencontreront également demain pour savoir qui sera premier. Mais c'est déjà joué. L'Angleterre est qualifiée également. La République tchèque est en bonne posture. Et l'Allemagne, pour l'instant, avec 1 point, pourrait ne pas se qualifier. Et qui jouera l'Angleterre d'ailleurs pour ce dernier match. Et les Bleus d'ailleurs de croisement avec ce groupe-là, le groupe C. Donc potentiellement l'Angleterre ou la République tchèque. Donc si on est premier, on affronte le deuxième, c'est classique. Pour l'instant, c'est la République tchèque, mais ouais. Ça peut bouger puisque ce groupe-là, nous aussi d'ailleurs, on n'est pas sûr d'être premier. Enfin, c'est. Ouais. Il peut se passer beaucoup de choses dans cette dernière journée. Donc, ce sera après assez rapidement les quarts de finale et on espère voir ces bleus pour ces quarts de finale. On sait qu'on les espoirs, on a l'habitude de se faire sortir rapidement ou même pas se qualifier du tout. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une grosse. Je recherche dans le fond de ma mémoire. C'est vrai. Puis la dernière fois, peut-être la seule fois, je sais plus. Mais... qu'on a gagné cet Euro U21, c'est quoi, c'est 88, c'est un truc comme ça aussi, c'est l'année 80, si j'ai pas de bêtises. Oui, oui, ça, un truc comme ça, hein. Ça remonte, oui. Pas année 80, début 90, 88, hein, je crois. Mais... donc oui, ça remonte, c'est une épreuve qui... c'est une compétition qui nous file, qui nous passe sous le nez des fois, ou alors oui, que, comme tu dis, qu'on ne dispute pas, ou on fait de mauvaises performances. Pourtant, ça fait quelques années qu'on a une des très bonnes nouvelles générations, jeunes générations. Mais c'est vrai que c'est une compète qui nous file, qui passe au-dessus de nous, quoi. Donc pourquoi pas, la gagner cette année, et en tout cas c'est bien parti pour l'instant. C'est ça. Alors on rappelle que en cas d'égalité, c'est le nombre de buts marqués qui est le premier critère. Ah, c'est pas le goal average ? Non. D'accord, ok. Donc La meilleure différence de but particulière, en premier. Après le nombre de points, bien sûr. Voilà, et si jamais, il peut y avoir une égalité parfaite, et dans ces cas-là, c'est le nombre de buts marqués, donc on verra. T'as le règlement devant les yeux. Oui, j'ai le règlement, oui. parce que ça change de compétition à l'autre, ça peut changer. Et c'est jamais les mêmes, mais là, c'est d'abord les différences de buts particulières. Donc, en tout cas, un match nul, et c'est sûr, de qualification est en poche, donc il faudra au moins faire un nul dans deux jours pour pas se mettre en difficulté. Très bien, donc on verra tout ça, bien sûr, dans cette journée. Autre compétition qui, alors c'est pas tout de suite, mais ce sera dans un mois maintenant, à peine, la Coupe du Monde féminine, Coupe du Monde femme du 20 juillet au 20 août. C'est vrai que c'est, je crois, peut-être la première année où, ça y est, les filles sont comme les garçons avec une compétition d'un mois. Une compétition d'un mois. Alors, je sais pas ce que t'avais prévu de dire justement cette compétition. C'est tombé tout à l'heure, en fin de journée, comme quoi la finale de la Coupe du Monde féminine serait retransmise donc sur France Télé. C'est ça. On le rappelle, en tout cas en France, il y aura une codiffusion pour cette compétition entre France Télévisions et M6. Ouais. Tout à fait. J'ai plus le nombre de matchs devant les yeux, je recherche, mais je crois qu'M6 a plus de matchs que France Télé, je crois. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? Oui, France Télé aura 32 matchs. Ah oui, ok. Voilà, donc il y aura notamment le match d'ouverture Nouvelle-Zélande-Norvège. Ce sera le 20 juillet à 8h30, il faudra se lever tôt. Hein. La finale aura lieu le 20 août à midi. Donc ce sera aussi sur France Télé, la finale. Il y aura le match France-Brésil, ce sera un des chocs, donc ce sera sur France Télé. Il y aura Panama-France aussi, l'autre match des Bleus. Et puis il y aura également 4 huitièmes de finale, 2 quarts de finale et selon ceux et des Bleus s'ils sont qualifiés, et une demi-finale. Et puis le M6 diffusera le reste, c'est-à-dire 24 matchs, dont France-Jamaïque qui sera le premier match de poule. Ce sera midi, donc ça c'est plutôt cool. Il y aura 4 huitièmes de finale avec celui de la France, et puis si elles sont qualifiées, bien sûr, et puis la demi-finale des Bleus aussi en cas de qualification. Voilà, et puis la petite finale, mais la finale ce sera bien sûr France 2, enfin France Télé, en tout cas France 2 probablement, qui je crois n'a jamais diffusé les Bleus, les filles d'ailleurs, mais voilà. Je crois pas. Pas le souvenir. Si, sur W9. Si. W9, oui. M6, ouais. Oui, mais enfin c'était directement W9, mais sur France 2, j'ai pas le souvenir. Non, je crois pas, ouais. Donc voilà, elles sont bien diffusées. Ça a été long à se mettre en place, mais elles ont bien trouvé preneur et bien desservies sur les chaînes France Télé et Groupe M6. Voilà, c'est tout. Après, pour le moment, il se passe pas grand-chose puisque ce sera que le 20 juillet. Elles vont se. Non, pas beaucoup d'infos là en plus ces derniers jours. Donc, ouais, après, je suis pas de près. Je vais commencer à vraiment suivre de près quand la compétition va approcher. Mais je sais pas si toi t'as plus d'infos. Je sais pas comment tu le sens même par rapport à nos bleus, du coup, par rapport à cette compétition, si tu les sens. Bah, c'est vrai que la ligne d'attaque, ça va être compliqué. On attendait évidemment nos meilleurs et il y aura toute une ligne d'attaque qui manquante, donc ça risque d'être compliqué offensivement. La blessure de Cascarino aussi, forcément, qui fait mal. La blessure de Cascarino qui a fait mal. C'est vrai que il y avait déjà des manquantes du côté de l'attaque. Mais bon, on sait jamais. Mais après, c'est arriver en quart de finale, c'est là que ça risque d'être compliqué avec, on le sait, des croisements potentiels après avec des grosses équipes. On a aussi peur des États-Unis toujours, hein, qui seront là et c'est. C'est souvent c'est là qu'elles avaient perdu aussi au stade précédent. C'était il y a 4 ans. Hein. Elles avaient perdu face aux Américaines. Il y a les Américaines, les Canadiennes qui ont une bonne équipe. Les Japonaises, oui. Les Japonaises. Il y a la Chine aussi cette année. La Chine qui sera présente, oui. Ouais, la Chine est pas trop. Enfin, une bonne équipe, je crois, plutôt. Non, il y a quand même des bonnes petites nations. Même le Brésil, je pense que ça s'est un peu amélioré ces derniers temps. Hein. Ah ouais, donc attention, ouais. Ouais, attention, il y a du beau monde quand même. Donc là, ce sera une vraie Coupe du Monde à 32. Hein. Il y aura vraiment. Format comme les hommes, ouais. Voilà, avec des huitièmes de finale, voilà, c'est la première fois. Donc ça fait beaucoup de matchs. Et les Bleus, elles croiseront avec le groupe, que je ne dis pas de bêtises, E. Qui est composé notamment des États-Unis et des Pays-Bas. Voilà, et Portugal, Vietnam. Donc, les Bleus potentiellement peuvent déjà jouer les États-Unis en 8e. C'est ça qui fait peur. Ouais. En revanche, si jamais ça tombe bien et qu'elles ne se croisent pas en 8e, elles ne se rencontrent pas avant la finale. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à voir. Mais ça peut se dérouler comme ça. On verra. Donc début de compétition le 20 juillet. Et puis d'ici là, elles vont bien sûr se réunir avec Hervé Renard et toute la préparation. On aura l'occasion de reparler avec des matchs de préparation, bien sûr. Autre compétition qui est en cours, qui était en cours la semaine dernière, c'était les qualifications à l'Euro, mais pour les garçons cette fois. On l'a suivi peut-être deux victoires françaises. La deuxième plus étriquée face à la Grèce. Un seul but à zéro. Je sais pas si tu as vu le match, Hugo. Contre la Grèce, je crois que j'ai pas regardé, hein, honnêtement, je te le dis. C'est pour ça que j'essaie de retrouver les stats déjà. Ouais, c'était pas fou, hein, comme match. On le sait souvent, les matchs de fin de saison, voilà, qui sont compliqués avec la saison complète. 1-0, voilà, seulement. Avec donc des grosses occasions aussi manquées par les Bleus, hein, des choses presque immanquables, notamment la dernière action à 4 contre 1. Et puis je l'ai vu ça là. Ouais, ça c'est bon, il y a des choses. Il y a des choses à revoir là-dessus. Heureusement qu'il y a une victoire quand même, mais ouais, c'était compliqué. En tout cas, l'essentiel était de faire le plein avant les vacances. Et c'est chose faite, la France 12 points sur 12 possibles. La Grèce donc est 2 mecs 6 points. Attention tout de même, il y a un match de retard. Et puis ensuite on trouve l'Irlande des Pays-Bas avec 3 points. Mais pour l'instant l'essentiel est fait, c'était de prendre 12 points sur les 4 matchs. Mais les Pays-Bas qui ont 2 matchs de retard aussi. Hein. Oui, Pays-Bas qui n'a joué que 2 matchs. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça peut remonter à 9, ouais, je sais pas pourquoi non plus. Oui, puisque la Gibraltar n'a joué 4, mais oui, c'est vrai. Je sais pas, le calendrier a été bien fait, mais Pays-Bas n'a joué que 2 matchs. C'est vrai. Ils ont joué que 2 matchs, et puis juste quand même quelque chose quand même à souligner aussi côté bleu, c'est 4 matchs, 4 clean sheets, 0. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est vrai. Donc voilà, faut quand même le souligner. Bon, on n'a pas joué que contre des. Gibraltar, voilà, on a fait le boulot, mais. On a quand même joué contre des bonnes petites équipes, hein, l'Irlande, la Grèce, les Pays-Bas. C'est. Même si on les a calmés, mais en tout cas, on m'a souligné 4 clean sheets, voilà, c'est pas banal. Non, mais c'est vrai, c'est bien, une bonne défense, en tout cas, c'est intéressant. une défense qui se renforce encore en vue de l'Euro et qui probablement sera en tout cas cette charnière là, hein, je pense. Bah, moins que voilà, on sait pas ce qui peut se passer en une saison. On sait des fois il y a un joueur qui sort du lot, t'avais pas prévu, et puis au final il y a une blessure, et puis voilà. Mais bon, sauf cas exceptionnel, oui, ça devrait être cette charnière là, c'est sûr. Après c'est Hernandez, c'est plutôt à droite où ça peut bouger. On sait Lucas Hernandez va revenir, il sera d'ailleurs, on en parlera après, mais a priori au Paris Saint-Germain. Et il sera de retour avec les Bleus probablement dans les prochaines échéances. On le verra. Et en tout cas, on espère avec un bon niveau, avec son niveau habituel. Oui, voilà, du Lucas Hernandez. En tout cas, on peut penser qu'on aura peut-être une charnière, des latéraux Hernandez, pourquoi pas. Hein. Ça peut être possible. On le verra. En tout cas, la France reprendra la compétition en septembre. Il y aura l'Irlande au programme le 7 septembre. Alors maintenant, les matchs qui auront lieu un peu partout en France, puisqu'on le sait, le Stade de France va être pris pour un bon moment. Il y aura la Coupe du Monde de rugby, il va y avoir les Jeux Olympiques, donc on n'est pas prêt de revoir les Bleus au Stade de France. Hein. Il y aura l'Irlande au Parc des Princes, et puis ensuite tous les matchs qui vont suivre, que ce soit les Bleus ou l'équipe de France Espoir ou les féminines, ça se jouera un petit peu partout en région. Voilà, on le sait, les stades habituels à Nice, à Bordeaux, à Lens, à Lille, à Lyon, voilà, tout ça sera dans les deux ans qui vont arriver là, ce sera des matchs un petit peu partout. Et l'Irlande, par contre, ce sera au Parc des Princes, mais après ce sera vraiment que en région. Donc 7 septembre, il y aura qu'un match du coup, hein, puisque là les Bleus sont en avance, donc il y aura qu'un seul match en septembre. Et après il y aura à nouveau un seul match en octobre face aux Pays-Bas. Et il y aura Mais y a pas l'Allemagne en septembre. Il y aura en match amical, oui. Oui, tu as fait bien de le préciser. Il y aura un seul match dans les qualifs de l'Euro. Mais oui, tu as raison, il y aura l'Allemagne, je ne sais plus la date, mais c'est en septembre. Ce sera d'ailleurs à Munich. Voilà, parce que c'est à chaque rassemblement, finalement, il y a un minimum de matchs. De toute façon. Oui, il y aura aussi, donc en octobre, il y aura que les Pays-Bas, mais il y aura probablement un autre match. Je ne sais, ouais, je sais pas si ça n'a pas été programmé, je pense, mais... Je ne sais pas, je crois pas. On va vérifier, mais je crois que c'est sûr qu'il y aura un autre match, mais l'adversaire est pas encore choisi. Mais l'Allemagne, oui, c'est plutôt sympa de jouer l'Allemagne, des vraies nations, même si comme on l'avait déjà dit, je crois, il y a deux semaines, c'est toujours une bonne façon de se tester ou tester des tactiques, ouais, des différents dispositifs contre une grosse nation comme ça, donc qui sera une concurrente évidemment directe à l'Euro l'année prochaine, donc c'est un match amical qui va servir, voilà, ce sera pas un match, oui, de gala, voilà, non, c'est un match qui va quand même compter. Ce sera le 12, voilà, le 12 septembre, et ce sera pas mieux, ce sera à Dortmund, pardon, ce sera pas ça, ce sera à Dortmund. C'est quel jour contre l'Irlande? Ce sera le mardi 12 septembre. Le jeudi 7. Le 7, ok. Voilà. Le 5 jours, ok. Et puis donc pour octobre, si c'est l'Écosse qui sera l'autre adversaire en amical après les Pays-Bas, le 13 et le 17 l'Écosse. Okay. Voilà, et ce sera Lille pour le coup, voilà, cette fois. Et ensuite il y aura en novembre les deux derniers, Gibraltar et Grèce. Je te laisse finir, j'ai une question après. Oui, alors Gibraltar, pour le programme au Stade de France, hein, je sais pas si ça va se poursuivre, mais peut-être entre la Coupe du Monde de rugby et les Jeux, il y aura peut-être quelques matchs. A priori, pour l'instant, c'est le cas, mais ça peut bouger, évidemment, si le Stade de France doit être aménagé. Oui, je t'écoute pour la question. Ouais, je sais pas si t'as la réponse ou si y a une explication, mais c'est vrai que tu parlais donc du coup des différents stades dans lesquels les Bleus jouent souvent, enfin ils ne sont pas au Stade de France. Et c'est vrai qu'il y a rarement le Vélodrome. Est-ce qu'il y a une explication par rapport soit à l'OM, soit au propriétaire du stade, enfin c'est l'OM le propriétaire du stade, je crois. Est-ce qu'il y a une explication? Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent à Lens, à Lille, oui, à Lyon. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas du tout. Ouais, c'est vrai que pour... Il y avait des matchs à l'Euro, mais à l'Euro 2016. Oui, à l'Euro 2016, oui, mais surtout que le Vélodrome, c'est le deuxième plus gros stade de France après le Stade de France. C'est vrai qu'on ne voit jamais de match là-bas, ouais, c'est vrai. Bah ouais. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question, ça, dont on pourrait parler, mais là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas te dire. Bon, bah voilà. Bon, on aura peut-être l'occasion d'un débat un peu plus tard. On s'informera. C'est ça. Tiens, juste une info qu'on n'a pas donnée tout à l'heure, mais que je viens de voir, qui concerne l'ailier de l'équipe de France Espoir, c'est Michael Hollis, qui est blessé, hein, oui, et qui sera forfait pour le reste de l'Euro, malheureusement. Quoi, du coup, c'est les croisés ou pas? Parce que moi, j'ai vu sa jambe, je me suis dit, c'est les croisés. Après, il se tenait un peu sur le dessus du derrière de la cuisse, donc je savais pas trop si ça pouvait être un ligament, ou les ligaments, je sais pas lesquels, mais. C'est une déchirure à l'ischio. À l'ischio, ok, ouais, donc c'est, oui, il tenait bien l'arrière de la cuisse. Ouais, donc que la jambe, elle s'est un peu, enfin, pas pliée à l'envers, mais elle s'est un peu tendue. J'ai eu peur que ce soit les ligaments au début, mais au final, bon, ok, c'est l'ischio, mais c'est grave quand même. Hein, oui, là, c'est plusieurs semaines d'arrêt et. Ouais. Il va retourner à Londres, puisqu'il, je le rappelle, joue à Crystal Palace. Et il sera pas remplacé. Hein. Les Bleus finiront à 22. On sait que parfois il peut y avoir un joker médical. Là, ce sera pas le cas. C'est dommage, hein, parce que je trouve lui, ouais, pareil, un peu comme Kalimuendo. C'est un peu les quelques joueurs qui m'ont tapé dans l'œil depuis le début de la compétition. Et c'est dommage de le perdre. C'est un coup dur en tout cas. C'est lui qui avait marqué en plus, non? C'est lui qui a marqué le but. Ouais, c'est lui qui a marqué, c'est bien ça. Ouais, bah. Ouais, il s'est blessé quelques minutes après, ouais. Bon, bah, voilà. Malheureusement, ça se poursuivra sans eux. Ça va peut-être leur donner encore un peu plus de courage, on espère, au bleu, pour aller plus loin. Un petit passage rapide sur les restes des groupes. L'Écosse est en tête de son groupe, le groupe A, qui est largement en tête d'ailleurs, devant la Norvège, la Géorgie ou l'Espagne, qui est seulement 4ème avec 3 points, mais. Qui a joué que deux matchs, hein, c'est vrai. Hein. Une victoire et une défaite face à l'Écosse. Ça remonte, c'était au mois de mars maintenant, mais du coup, qui n'a que 3 points, mais voilà, qui n'a joué que deux matchs. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas trop juger. Pour l'instant, c'est loin, mais l'Écosse, ce qui est sûr, c'est qu'elle est loin devant. Donc ensuite on a l'Angleterre aussi en tête de son groupe devant l'Ukraine, l'Italie qui est troisième seulement avec 3 points, mais même chose, n'a que 2 points, 2 matchs, donc pour l'instant c'est pareil, on peut pas trop juger là-dessus. Et puis l'Angleterre, je te coupe 2 secondes, qui a mis 7-0 à la Macédoine du Nord. Oui. 7-0 triplé de Saka notamment, le joueur d'Arsenal. Juste pour noter la performance, quoi. 7-0, c'est pas rien. C'est pas mal. Oui, là, ils ont vraiment joué le jeu, là, pour le coup. Ils ont pas fait semblant, là. Ils ont respecté l'adversaire. Et oui, l'Italie, forcément, n'a pas joué tout comme les sommes, parce qu'il y avait la Ligue des Nations. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de match. Ils n'ont pas joué au mois de juin. Ouais. De match. Donc, pour ça qu'ils sont. Ils paraissent très bons au classement, mais c'est juste une illusion. La Turquie est en tête, mais c'est serré. Il y a de l'Arménie, Pays de Galles, pas très loin, la Croatie. Tout ça, c'est assez serré. La Croatie, même chose, hein, qui était présent en. Ligue des Nations, n'a pas joué non plus, donc c'est assez logique. Tout comme on retrouvera aussi après, j'ai oublié les Pays-Bas, hein, qui étaient aussi en Final Four. République Tchèque dans l'autre groupe est devant, mais il y a l'Albanie à 6 points, la Moldavie à 5 points, c'est serré. Hein, c'est un groupe assez homogène finalement, ce groupe-là, hormis les îles Féroé qui sont nettement inférieures. L'Autriche est en tête avec 10 points, la Belgique 7 points, voilà, qui est dans les deux premières places. La Suède 3 points. Pour l'instant, dans ce groupe F, la Hongrie, la Serbie, égalité à 7 points, le Monténégro et la Bulgarie, là, c'est un groupe aussi qui est plutôt homogène, avec la Lituanie aussi, donc tout peut se passer dans ce groupe. La Finlande mène face le groupe H avec le Kazakhstan, assez surprenant d'ailleurs, voir le Kazakhstan aussi, 3 victoires et une défaite. Je te recoupe pour la Finlande, hein, tu as fait une bonne performance aussi contre Saint-Marin. Ouais. Ils ont gagné 6-0, dont un doublé de Akai, que je ne connaissais pas, qui rentrait à l'heure de jeu, et un triplé d'Akai. Voilà, il est rentré à l'heure de jeu, il a même triplé. Voilà, en peu de temps. Bon match. Bien joué. Et donc, c'est le Kazakhstan et la Finlande qui sont en tête. Le Danemark et la Slovénie sont juste derrière avec 7 points. Et enfin, il reste du groupe, pardon, la Suisse. Bah aussi en tête, hein, 10 points, la Roumanie 8 points, Israël 7 points, voilà, c'est un groupe aussi assez homogène, hormis la Suisse qui paraît supérieure. Et enfin, le Portugal a gagné ses 4 matchs, à l'image de la France. D'ailleurs, n'a pas encaissé un seul but et a marqué 14 buts. Hein. C'est vraiment, je crois, la meilleure performance du groupe, peut-être avec l'Angleterre. Je sais plus combien l'Angleterre a marqué de buts, mais je crois que c'est un peu pareil. L'Angleterre pas mal, puisqu'ils en ont mis 7. Ah oui, 15 buts marqués, hein, que c'est pareil. 14 et 0 et l'Angleterre 15 et 1. Donc ils sont un peu pareils les deux. C'est les deux meilleures équipes pour l'instant des éliminatoires. Et Portugal qui a gagné 1-0 face à l'Islande. Et c'est pas Cristiano qui a marqué, c'est Cristiano qui a marqué à la 89e d'ailleurs pour s'imposer et rester en tête du groupe aux côtés de la Slovaquie notamment, mais l'Islande et c'est le Luxembourg qui est surprenant, 7 points, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Luxembourg qui est très surprenant et qui a gagné 2 fois. Malgré sa défaite 6-0 face au Portugal, ils ont gagné les deux autres matchs. Et il y a Liechtenstein et la Bosnie, mais ils ont gagné. Et ils ont fait match nul aussi face à la Slovaquie, donc une belle perf. Et ils sont en tout cas encore en course pour la deuxième place qui sera qualificative. Voilà pour l'instant le petit point avant. On est à la moitié, hein, quasiment des. Enfin, on est à la moitié hein, de ces qualifs. 4 matchs de jouer. Enfin, pour certains, il y a six dans le groupe, donc ça fera un peu plus de matchs. Mais en tout cas, pour les Bleus, c'est quasiment la moitié de, c'est la moitié, puisqu'on a joué une fois chacun. Donc, il restera une deuxième partie pour normalement sans problème se qualifier pour l'Euro en Allemagne en juin, dans un an déjà, hein, finalement. Eh oui, ça vient vite, hein, parce que forcément, on a l'impression que c'est dans longtemps, parce que la Coupe du Monde, c'était pas si longtemps. Et comme c'était l'hiver, c'est dans un an. C'est ça, ça va aller assez vite. Ah oui. On referme cette page-là et puis on va tranquillement rentrer dans la. Dans le mercato. La page mercato. T'as peut-être quelques infos, un petit flash à nous proposer. Ah bah écoute, j'ai pas mal de choses. Hein. Après, je ne suis pas devin, j'ai un peu suivi l'actu toute la journée. Donc je vais sortir un peu les grosses infos qui sont ressorties. Donc évidemment la grosse info qui est tombée assez tôt dans cette journée, enfin ce matin, c'est le Barça qui a officialisé sur ses réseaux sociaux et par les communiqués évidemment par la suite l'arrivée du milieu de terrain allemand de City, Gundogan, donc grosse recrue côté Barça, hein, Gundogan qui a fait une grosse saison et surtout une grosse fin de saison avec City. Donc voilà, Barça qui a perdu Busquets. Puisque Busquets est parti, on va partir à l'Inter Miami, j'ai dit en Arabie Saoudite, non, à l'Inter Miami. C'est l'un ou l'autre, ouais. Oui, voilà, c'est l'un ou l'autre, je vais te compter, voilà. Non, Inter Miami, lui, comme Messi. D'ailleurs, Messi, toujours pas de nouvelles, vraiment d'officialisation, ouais. Ça va encore prendre un peu de temps. D'ailleurs, l'Inter Miami, j'ai vu passer ça, les résultats, c'est pas ça qui est ça. Pour l'instant, MLS, ils sont derniers, je crois, de la conférence S. Ah oui, parce que c'est un décalé, oui. Oui, c'est en décalé là-bas, c'est comme certains championnats exotiques, on va dire, en décalé, ouais. Donc là, pour l'instant, ils sont derniers en 7-8 matchs, enfin, ils ont perdu leurs 7-8 derniers matchs. Donc je pense qu'ils ont hâte que Léo Messi et Busquets arrivent. Je sais pas si ça va changer énormément, mais je pense que, bon, avoir deux joueurs de ce calibre-là, ça peut changer quand même. Donc oui, j'ai fait Gundogan, donc arrive au Barça. Quoi d'autre? Alors, on sait que le PSG... voudrait absolument faire revenir le jeune néerlandais Xabi Simons qu'il avait légué au PSV Eindhoven la saison dernière qui a pété hein, tout simplement cette année. Il a fait une grosse saison et le PSG donc avait une clause hein, dans son contrat de rachat de 6 millions d'euros, mais il faut évidemment que le joueur soit d'accord. Donc ça risque d'être compliqué parce que Xabi Simons n'oublie pas le petit traitement qu'il a eu au PSG. Il a jamais vraiment eu sa chance évidemment avec toutes les stars qu'il y avait. Puis on connaît la façon de gérer du PSG, avec les jeunes, c'est toujours compliqué. Mais le PSG qui en fait une de ses priorités en tout cas, hein, de le faire revenir, mais lui, le joueur veut être sûr de jouer, veut des conditions. Et donc en tout cas, ça va être compliqué pour le PSG de faire rapatrier le jeune néerlandais. Niveau gardien notamment, André Onana, le gardien de l'Inter, plaît à Manchester United. Et donc en cas de départ d'Onana à l'Inter, le club Nerazzurri a deux pistes pour le remplacer. Alors ce serait soit Keylor Navas, qui donc est revenu au PSG, qui était en prêt à Nottingham, ou soit Hugo Lloris, l'ancien gardien de l'équipe de France maintenant. Donc voilà, il serait sur ces deux pistes-là en cas de départ d'Onana, soit Lloris, soit Navas. Donc voilà, je pense que t'en penses. Moi j'aimerais bien avoir Lloris un peu... dans un championnat autre que la première ligue. Ouais, ça peut être bien de sur le devant, ouais, voir ce qu'il donne. Ouais, autre part que Tottenham, parce que ça fait 10 bonnes années maintenant, Patine, hein, qu'il est à Tottenham. Hein. un truc comme ça. Ouais, ça fait, oui, ça fait un petit peu. Ouais. Donc voilà, Lloris qui potentiellement pourrait rebondir à l'Inter en cas de départ d'Onana. Rabiot aussi. Alors Rabiot, il y a eu plusieurs retournements de situation aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai signé un peu l'actu. Hier, en tout cas, il était plus proche de prolonger avec la Juve. Ce matin, je regarde, il serait plus proche finalement de United qui est intéressé par Rabiot. Et au final, là, en fin de journée, il serait redevenu plus proche de continuer avec la Juve. Donc, affaire à suivre pour Adrien Rabiot, qui peut-être donc va rester à la Juve ou bien partir pour un nouveau challenge. J'aimerais bien le voir aussi autre part, parce qu'avec la Juve, il ne jouerait pas la Ligue des Champions. Ce serait dommage pour lui. Oui, ce serait dommage pour... surtout pour l'Euro qui arrive, il faut qu'il soit compétitif, donc c'est bien de jouer des grosses compétitions. Ouais. Compétitif, surtout que là, oui, depuis une à deux saisons, il était redevenu, je trouve, assez bon, notamment en équipe de France, depuis son retour. Donc c'est vrai que j'aimerais bien le voir quand même à un haut niveau, comme tu dis, pour la préparation en amont de l'Euro l'année prochaine. Donc il pourrait prolonger dès mercredi, disons. Ouais, peut-être. Donc faire à suivre, mais je te dis, comme aujourd'hui, il y a eu, ça fait un peu les montagnes russes aujourd'hui. Je préfère rien dire, je sais pas encore. Pour l'instant, il serait encore plus proche de prolonger. Mais ça peut encore changer. Surtout qu'on connaît son agent. Oui. Allez, dossier suivant. on va parler d'un attaquant qui fait envie à plusieurs clubs lors de ce mercato, qui a fait une grosse saison. C'est l'attaquant nigérian du Napoli, c'est Victor Osimhen, qui est notamment courtisé par le Paris Saint-Germain. Oui. En tout cas, le Napoli, son club, donc, veut absolument le prolonger. Hein. Justement, le club champion d'Italie de cette année qui souhaiterait le convaincre en lui offrant un salaire de 6 millions d'euros plus bonus contre 4 millions et demi actuellement. Mais lui, il veut, pour signer ce contrat-là, même avec une hausse de son salaire, il veut la garantie d'une équipe compétitive cette saison, vu que évidemment le Napoli est champion en titre et donc va jouer la Ligue des Champions. Donc il veut la garantie d'une équipe qui continue à jouer le haut de tableau, les premières places et la Champions League. On reste côté Italie du coup, alors pareil, retournement de situation qui arrivait un peu ce matin. Marcus Thuram qui était plus proche de signer au Milan AC lors de ces derniers jours, et au final qui devrait arriver au club ennemi, l'Inter Milan. Oui. Donc l'international français qui va donc passer sa visite médicale et qui devrait signer un contrat jusqu'en 2028. Et qui gagnera un salaire de 6 millions d'euros par an, donc comme ce qu'il pourra attendre Osimhen à Naples. Donc voilà, Marcus Thuram qui devrait signer à l'Inter. City qui est peut-être en passe de décrocher un nouveau record. Alors c'est le record de l'achat du plus gros transfert pour un défenseur, puisque City a Guardiol, le défenseur hongrois, en ligne de mire, le défenseur du RB Leipzig. Donc ce transfert, ça pourrait être 90 millions d'euros hors bonus. Donc ça devrait dépasser les 100 millions d'euros si ça se fait. Pour rappel, jusqu'ici, le défenseur le plus cher de l'histoire, c'était Maguire, pour 100 millions, je crois. Je crois que c'était 100 millions, justement. Oui. Qu'on arrive à United il y a quelques années. Et donc Guardiola qui devrait arriver potentiellement à City. En tout cas, Leipzig ne veut pas le vendre en dessous des 90 millions, en tout cas des 100 millions, que City devrait aligner donc pour le Hongrois. Brozovic qui est à un pas maintenant de le milieu de terrain croate de l'Inter, qui est à un pas d'Al Nasser. Voilà, on arrive en Arabie Saoudite, ça y est. Encore un, ouais. Et puis c'est pas fini, j'ai encore une autre info, au moins une, concernant l'Arabie Saoudite. Donc ce sera un transfert de 23 millions d'euros quand même pour le joueur croate, avec à la clé un contrat de 20 millions d'euros net par saison pendant 3 ans. Le salaire qui serait quasiment équivalent à l'offre de transfert. Bon, on n'est plus étonné maintenant, mais c'est comme ça. Donc Brozovic qui peut-être va signer dans le club de Cristiano Ronaldo. Pour rester en Arabie Saoudite, on va cette fois-ci partir du côté de Al Ahly, qui aimerait faire venir l'attaquant brésilien Roberto Firmino, qui vient de quitter Liverpool en fin de contrat. Donc potentiellement Firmino qui partirait à Al Ahly, Firmino qui a entre guillemets que 31 ans. Je le croyais, je sais pas pourquoi, plus vieux, ça fait tellement. Enfin je trouve que ça fait plusieurs saisons, tellement de saisons qu'on le voit. Mais il a entre guillemets que 31 ans. Mais en tout cas, Al Ahly est bien positionné en Arabie Saoudite pour Roberto Firmino. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, un joueur que je connaissais pas, qui joue à l'Ajax, c'est le jeune Jurjen Timber, alors je sais pas si je le prononce bien, mais qui est tombé d'accord avec Arsenal pour signer un contrat jusqu'en 2028. Donc c'est un milieu de terrain, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, un jeune milieu de terrain néerlandais qui va signer Arsenal quand même pour une somme de 45 millions d'euros. Je trouve ça toujours fou de parier sur des sommes aussi. Ça me paraît toujours aussi fou de miser sur des jeunes comme ça. C'est risqué, ouais. Grand-chose. Je trouve ça risqué. Alors, je parle même pas de Mudryk, Tiber, qui est arrivé à Chelsea pour 100 millions d'euros. Le jeune ukrainien qui avait, oui, fait des bonnes performances avec le Shakhtar. Mais pareil, 100 millions d'euros pour un joueur où tu n'as aucune garantie. C'est hallucinant. On reste du côté d'Arsenal. Hein, j'ai pas mal d'infos, hein, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Du côté d'Arsenal, pour cette fois-ci, un gros transfert qui se précise de jour en jour. C'est la venue de Kai Havertz, le joueur de Chelsea, qui devrait changer juste de quartier de Londres. Hein. Il va juste déménager de quelques quartiers près. Donc c'est plus qu'une question de temps, hein, pour le milieu allemand à Arsenal, qui devrait signer encore une fois jusqu'en 2028 pour un transfert qui s'élèverait à 75 millions d'euros bonus inclus. Et la visite médicale qui devrait avoir lieu cette semaine donc pour Havertz à Arsenal. Info Real Madrid, c'est Modric qui prolonge avec le Real. Donc une histoire, la belle histoire qui continue pour le Ballon d'Or 2018. Je pensais que c'était 18, plus vieux que ça. 18 Non, t'as peut-être raison, je pensais que c'était plus vieux que ça, mais non, t'as... Tu me fous le doute. Non, 2020, je crois. Hein. Je pensais que c'était l'année de la Coupe du Monde, mais non. Non, c'est pas... tu me mets le doute. Non, je sais plus. Ouais, tu mets le doute. Bon, on vérifiera. Ou alors je te laisse vérifier pendant que je continue. Je vais vérifier, ouais. Ballon d'Or 2008, c'est écrit là, ouais. Ouais. Ah oui, 2010, ok, t'as raison. C'était l'année du mondial, il avait fait finale et. Bah, c'est pour ça que du coup, tu m'avais mis le doute, mais. Ça remonte en fait, hein. Je pensais que c'était plus récent, tu vois. Hein, ça fait 5 ans. Donc voilà, Modric, qui était notamment courtisé, hein, par. Étonnant. L'Arabie Saoudite. Ouais. Mais qui au final va continuer, avec le Real. Encore au moins une saison. Il y aura Toni Kroos aussi, du coup, avec lui. Il y aura Toni Kroos aussi avec lui. Ils sont toujours là. Donc là, il y a un milieu très enrichi, hein, au Real. Hein. Kroos, Modric, Tchouameni, Kamavinga, Bellingham. Ouais, c'est pas mal. Hein. Quelques semaines. Bah, c'est pas mal, mais il va falloir gérer ça. Il va falloir choisir. Il va falloir faire des choix. Là. Après, le Real, c'est pas le PSG. On sait qu'il y a une institution qui est grande, que les joueurs savent se plier. On sait qu'au PSG, ça aurait été compliqué de gérer ça, mais au Real, je pense que bon, ils ont l'habitude. Oui, ça devrait bien se passer. Il va falloir gérer tout ça. Justement, un ancien du Real, Mateo Kovacic, hein, l'autre milieu croate, qui donc était à Chelsea depuis quelques saisons et qui devrait filer à Manchester City, le club qui a fait le triplé cette saison. Donc City qui devrait remplacer Gundogan, justement, qui est arrivé au Barça aujourd'hui, par Kovacic. Donc l'officialisation, pardon, est imminente et le transfert qui devrait s'élever à 30 millions de livres. Voilà, donc c'est un peu moins en euros. Je continue en Angleterre, hein, j'ai plein d'infos, hein, c'est le mercato, ça avance vite, surtout en été. Manchester United qui fait un grand ménage, hein, Twanzebe et Jones qui vont pas voir leur contrat renouvelé, d'autres sont déjà partants, Eric Bailly, hein, qui a joué à l'OM cette saison, et Alex Telles, le latéral portugais, et certains, dont Anthony Martial, notre français, qui partirait si de bonnes offres arrivent sur la table. Donc Martial qui pourrait partir, hein, en cas de demande de transfert alléchante, tout comme Elanga, Maguire, on en parlait, le jeune McTominay, et également le talentueux Sancho qui pourrait partir en cas de belle offre. Voilà, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, Balogun, le jeune joueur américain qui était prêté à Reims cette saison, qui a mis combien ? Il a mis combien ? Il a mis 21 buts, je crois. Cette saison, Balogun, avec Reims, un truc comme ça. Ouais. Une petite vingtaine de buts. Une vingtaine de buts, ouais. Voilà, qui s'entretient, qui discute avec Arsenal, son club. Voilà, en tout cas, il a prévenu qu'il ne voulait pas repartir en prêt cette saison. Il lui reste 2 ans de contrat. Et justement, il voudrait soit continuer avec Arsenal, soit évidemment partir en transfert sec. En tout cas, il ne va pas être prêté. Le joueur qui sera en tout cas évalué autour des 50 millions d'euros. Hein, quand même, ça monte vite les cotes. Ça va quoi une bonne saison à Reims, tu prends quelques millions quand même. Petite info rapidement. Timothy Weah qui s'approche à grands pas de la Juve. voilà, l'attaquant américain qui était au PSG encore quelques années, qui était à Lille cette saison. En tout cas, là, il est tout proche, d'après Fabrizio Romano, hein, lui qui sort toujours des bonnes infos, qui serait tout proche de la Juve. Et puis voilà, sinon, Harry Kane, qui était annoncé notamment au PSG, en tout cas le PSG aimerait bien le faire venir, Harry Kane, mais qui serait notamment séduit par le Bayern, Harry Kane, mais qui surtout serait à la nouvelle priorité du Bayern. Donc en tout cas, ça chauffe entre le Bayern Munich et Harry Kane, même si le PSG reste toujours dans la course, évidemment. Mais l'opération entre le club bavarois et Harry Kane, qui pourrait donc tutoyer les 100 millions d'euros. Et puis voilà, pour terminer, une petite info d'un ancien monégasque, ça va te faire plaisir, Rémi, c'est Léo Jardim. Ah bah oui, j'avais l'info, mais bah... Alors, Leonardo Jardim, j'allais dire Léo Jardim, mais non, lui c'est un gardien. Leonardo Jardim, oui. L'ancien entraîneur qui signe à Al Rayyan, un club qatari, après Al Hilal et Rabab Al Ahly. Il continue un peu dans le Moyen-Orient. Leonardo Jardim, et c'est son 10e club, à seulement 48 ans, hein, Jardim. Oui. Et puis, voilà. Alors, dernière petite info, je termine. Juste le PSG pour parler de Mbappé quand même, hein, parce que c'est quand même le gros feuilleton qui nous anime depuis quelques semaines et qui va encore animer. Hein, c'est le PSG veut donc une réponse rapide, hein, de Mbappé, le club qu'il a fait savoir à sa mère, hein, donc qui est son agent. Voilà, le PSG veut vraiment soit que Mbappé prolonge, soit mais pour le vendre. Même si évidemment c'est Mbappé qui reste, qui a les cartes en main. Oui, exactement. Il est malin. Il est malin, en tout cas, c'est ça, le PSG qui veut une réponse rapide pour, faut avoir des certitudes. Pour l'instant, l'entraîneur Luis Enrique n'est pas encore officialisé. Donc, falloir commencer pas trop tard ce mercato, commencer à travailler sur l'équipe de la saison prochaine. On sait pas encore si Neymar va partir aussi, donc c'est assez compliqué pour se mettre en route pour le PSG, pour ce mercato. Oui, d'autant que D'autant que la saison, les entraînements devraient reprendre bientôt. Hein. Bah oui, oui. 15 jours à peu près. À peu près, oui. Donc les vacances viennent à peine de commencer, mais ça vient vite, hein, la saison. Donc il va falloir avoir quelques certitudes côté parisien, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, très bien. J'avais 2-3 infos aussi, mais rapides. Qui concerne notamment André Pergignac qui va pas changer de club mais qui a remporté avec son club des Tigres le trophée de champion des champions. En fait au Mexique se joue un titre entre les vainqueurs du tournoi qui l'ouverture du tournoi championnat mexicain et un tournoi de clôture et en fait les deux se rencontrent et c'est donc les Tigres qui ont remporté cette rencontre donc champion des champions et du Mexique et je crois qu'il avait déjà remporté ce trophée 4 fois donc il continue de remporter des titres le français du côté du Mexique. Toujours en Amérique du Sud, il y avait cette nuit le jubilé de Riquelme. Je ne sais pas si tu te souviens de ce joueur. Juan Román Riquelme. Oui, je m'en souviens. Mais il a quel âge? Il a 45 ans. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ok. Il a fait son jubilé avec son club du Boca Junior, dans un match entre des anciens de Boca Junior et la sélection argentine, dont Messi. Et c'était donc cette nuit avec évidemment beaucoup d'émotions dans cette. Mais il joue encore ? Non, il joue plus, non. Ah oui ? Non, parce que des fois le jubilé, c'est. Justement, quand tu prends ta retraite. Oui, non, là, c'était quelques années après. Ah d'accord, oui, parce que j'allais dire 45 ans, et puis j'étais pas au courant, donc ok, je suis rassuré, ça va, ok. Et donc, Messi qui a notamment parlé de son nouveau club, l'Inter Miami, hein, et il a hâte de rejoindre sa nouvelle équipe, d'après ce qu'il donnait comme info. Et puis Sergio Busquets, lui, devrait, on le disait, c'est fait, et donc pourrait avoir lieu sa présentation au 16 juillet prochain, le jour du match, d'un des matchs de l'Inter Miami, donc peut-être qu'il sera déjà... peut-être pas programmé pour jouer ce match, mais en tout cas pour jouer dans la foulée avec l'Inter Miami. Toujours Lionel Messi qui a été élu d'ailleurs lui meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1. Je savais pas, mais tout à fait. Ouais, si je me l'étais noté, j'ai oublié de le dire. Ouais, c'est un trophée en plus, mais je sais pas si ça, ça intéresse plus que ça. Mais... Et ça, ouais, bon, ça, 16 buts, ça se passe décisif, c'est pas si mal finalement, c'est vrai. Non, on a beau cracher sur certains, points de Léo Messi, de son comportement, du fait qu'il va pas voir les supporters après les matchs. Ça, bien sûr, c'est inacceptable, je reste convaincu de ça. Mais bon, au niveau des stats, il n'y a quand même rien à dire. Des fois, il est transparent dans les matchs, mais c'est Messi. Ça, et 16 buts, ça se passe ici, c'est propre, ouais. Meilleur but, meilleur passeur. Et... C'est presque monstrueux, j'ai quand même envie de dire. Hein. Ouais. Non seulement à son âge, après, ça nous fait pas ce sentiment-là, parce qu'on a... On a beaucoup eu l'habitude avec Messi de nombres stratosphériques de buts et de passes décisives, comme c'était le cas avec Ronaldo à l'époque. Donc c'est pour ça que 7 buts et de passes décisives, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, en réalité. Oui, ça reste énorme, oui. Sinon, alors, j'ai encore 2-3 infos rapidement, c'est pas forcément Mercato, mais mais que j'avais oublié de préciser. Je pense que t'avais prévu de le dire, en tout cas, mais... On a des petites news, en tout cas une nouvelle plutôt bonne pour Sergio Rico. Oui, tout à fait. Qui, selon son épouse Alba Silva, Rico qui peut communiquer, qui pourrait communiquer, et qui notamment aurait toute sa tête, sa mémoire. En tout cas, il se rappelle de ses proches, de comment il s'appelle. Enfin voilà, il se rappelle de ses proches. On n'est pas sûr si il se souvient de l'accident. Oui. On rappelle son accident de cheval qui lui a coûté quelques jours, voire une ou deux semaines de coma. Donc on ne sait pas encore s'il se souvient de tout ça, mais en tout cas la bonne nouvelle, ce serait qu'il puisse recommuniquer et surtout qu'il reconnaisse au moins ses proches. Et en tout cas le principal pour lui, c'est voilà. Oui, la mémoire est restée. Oui. Ouais. Et il devrait probablement, si ça se passe bien, sortir des soins intensifs dans les prochains jours, on espère. Donc ça va dans le bon sens pour le gardien du Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle. Tout à fait. Deuxième petite info, pour revenir un petit peu sur le mercato. Donc comme tu me disais tout à l'heure, Lucas Hernandez qui devrait normalement arriver au PSG dans les prochains jours, voire prochaines semaines, si ça continue à être lent, mais en tout cas le président du club, je sais pas comment on dit, le collectif Ultra Paris. Donc le président des supporters du PSG, qui a fait savoir sur Instagram à Lucas Hernandez, je cite, t'es pas le bienvenu, le Marseillais, et on te le fera savoir. Alors bon, c'est pas la meilleure chose qui peut t'arriver quand t'es à quelques jours de signer dans un club. Hein, oui. C'est pas la meilleure arrivée, c'est pas le meilleur bienvenu. Alors bon, il y a plusieurs explications à ça, même si c'est pas forcément très intelligent de la part de Romain Mabi, le président du collectif. Mais notamment plusieurs raisons, comme plusieurs fois on a aperçu Lucas Hernandez crier à l'OM ou en tout cas dire son amour pour le club marseillais, puisque il est né à Marseille, Lucas Hernandez. Son père Jean-François Hernandez jouait à l'OM d'ailleurs à l'époque. Après la finale de Ligue des Champions en 2020, Bayern PSG, il dansait sur la chanson du rappeur MHD, pas d'un seul Champions League, et il rigolait bien, voilà. C'est plein de petits trucs comme ça, en fait, que Hernandez a fait durant sa carrière, et qui forcément ont déplu, mais c'est du chambrage, voilà, mais qui forcément déplaisent au groupe de supporters du PSG. Donc pour l'instant, la tension est assez forte entre le joueur et les supporters, mais on verra bien. On verra bien, et puis je pense que si Lucas arrive au PSG et qu'il retrouve son niveau, je pense que les supporters devraient vite devenir amoureux de ce joueur. Oui, sans doute, c'est un super joueur quand même. Voilà, mais en tout cas, on lui souhaite qu'il retrouve son niveau, parce que c'est vrai qu'il sort de plusieurs mois de blessure, on s'en rappelle, donc c'est toujours compliqué de revenir après une longue période d'absence, surtout au haut niveau, quoi. Mais bon, il en est capable, il a un mental de gagnant, il a la grinta, donc on lui souhaite de revenir à 100%. Et puis dernière petite info que j'ai chopée aujourd'hui, on va revenir sur le match Bordeaux-Rodez. Je voulais en parler, vas-y. J'y vais. Oui, vas-y. Plutôt au niveau d'Annecy, on va se tourner du côté d'Annecy, qui du coup a été rétrogradé en National 1 avec du coup ce match perdu sur tapis vert de Bordeaux. Donc ils ont été directement rétrogradés en National pour Annecy, et donc les joueurs en, oh, j'y arrive à deux trois, les joueurs d'Annecy donc qui sont en danger hein, puisqu'ils appellent à l'aide la LFP, l'UNFP, la FFF et même la ministre des Sports, puisque les joueurs pourraient voir leur salaire tout simplement baisser considérablement forcément. Je passe d'une ligue professionnelle de Ligue 2 à une ligue semi-professionnelle en nationale, donc forcément c'est compliqué au niveau des finances du club. Donc les joueurs qui pourraient voir leur salaire baisser ou bien pour le pire, être au chômage et donc sans club, être des joueurs libres. Donc les joueurs appellent tout simplement à l'aide donc à la Ligue, à l'UNFP, à FFF et la Ligue des Sports aussi. Donc c'est compliqué, ils font appel. Je pense que ça va être compliqué, hein, je sais pas ce que t'en penses, Camille, pareil, mais c'est une sacrée situation dans laquelle est Annecy, quoi. Oui, ça semble compromis. Hein. C'est joué, malheureusement. Ça va être... Après, à moins que les joueurs d'Annecy arrivent à trouver preneur chez des clubs, c'est pas se repérer, j'en sais rien. Après, il y a forcément certains joueurs qui se disent c'est peut-être une mauvaise saison, et puis là, je m'en retrouve comme ça, alors que c'est pas vraiment notre faute. Enfin, en tout cas, sur l'affaire du tapis vert, c'est pas notre faute. Sur l'affaire du supporter qui rentre sur la pelouse, c'est pas notre faute. Puis on se retrouve là comme ça, finalement, on est en danger. Même si tout le long de la saison, on n'a pas fait forcément une bonne saison, hein, puisqu'on est si pas dans le classement. Mais ils sont en danger. Petite chose que j'ai pas précisé, je pense que tu l'as vu passer comme moi, Rémi, c'est que justement ils ont vu ça dans le règlement de la FFF et de la LFP, c'est que la Ligue 2, il y a une possibilité à ce que ça aille jusqu'à 22 clubs. Oui. La Ligue 2. C'est vrai. Donc au final, c'est peut-être possible que on fait justice, quoi, si la justice reprend ses droits par rapport à cette affaire-là. La LFP et la FFF pourraient repêcher Annecy et les laisser en Ligue 2 cette saison, quoi. Ça ferait 19 clubs, quoi. Ça ferait bizarre. Ça serait bizarre. Ça ferait un exemple chaque match, quoi. C'est ça, ou alors faut repêcher un autre club, mais comment faire, voilà, c'est compliqué, oui, un exemple chaque match, après pourquoi pas. Hein. Ça marche très bien dans les districts. Oui. Pourquoi pas chez les pros, après tout. Au contraire, justement, ça ferait deux week-ends de repos dans la saison. Peut-être ça amènerait d'autres problèmes, j'en sais rien, mais ça pourrait marcher. Après c'est... Je sais pas, c'est à voir. Ouais, c'est pas fini encore tout ça. Non, c'est pas fini, puis je sens que ça prend encore du temps. Hein. Ouais, ça va durer l'été. Ouais. Même la saison va reprendre, ça sera quand même pas fini. Oui, non. Donc faire à suivre aussi. Nafo, concernant Toulouse, on le sait que Toulouse qui... est qualifié pour la Ligue Europa et qui devrait qui a envie d'y participer. En tous les cas, on sait qu'il y a toujours une complication avec le fonds d'investissement. Ouais, Cumulancé, hein, et le même fonds d'investisseurs, hein, qui est Red Bull Capital. Et donc en tout cas, Toulouse fait tout ce qu'il faut pour pouvoir participer à cette Ligue Europa. Et de nombreuses démissions, notamment de dirigeants, du fondateur, notamment du fonds d'investissement, Guéry et Cardinal. On a eu d'autres trois autres personnes qui ont démissionné du conseil d'administration, qui font partie de ce fonds américain, et donc qui ont démissionné du conseil d'administration, et désormais il n'y a plus de membres de ce fonds américain dans les conseils d'administration. Autre chose qui est prévu aussi, c'est un projet de scission en cours, qui est en cours. Donc entre Toulouse et Milan, au niveau des sociétés, ce qui permettrait en fait de soutenir, face notamment à l'UEFA qui se penche sur ce dossier depuis aujourd'hui, de dire que le club est uniquement géré par Damien Comoli, qui est le président, et qui n'a plus de lien avec le Milan. Donc c'est ce que espère en tout cas Toulouse pour cette instance qui vient de cesser en cours, hein. Ça a démarré aujourd'hui, l'UEFA qui se penche dessus. Et puis toujours Toulouse, hormis ce cas-là, il y a beaucoup de départs. Philippe Montagnier, le coach, a été évincé ces derniers jours. Stéphane Nièvre, entraîneur adjoint, Eric Alibert, le coach des gardiens, aussi vont être remerciés. En tout cas, ils ont été invités à quitter le club, tout simplement. Donc bon, c'est assez clair. Hein. 5 cadres aussi en fin de contrat, hein, qui ont été qui vont quitter le club, dont Vandenberg vous-même notamment. On a aussi l'entraîneur des des gardiens, je le disais. Enfin, voilà, beaucoup de changements qui arrivent. Et ces trois personnes qui vont s'attaquer au prud'homme, qui vont attaquer au prud'homme, évidemment. Et en tout cas, ça va faire un sacré changement du côté de Toulouse entre les joueurs et le staff qui bouge. On va avoir une équipe remaniée en début de saison. Et oui ou non, la Ligue Europa, on le verra. En tout cas, ça démarre aujourd'hui pour l'UEFA qui va se pencher un peu plus sur ce dossier et qui espère que, évidemment, Toulouse pourra se qualifier et pourra participer à cette Ligue Europa, on le verra. Enfin, cette Ligue Europa conférence, pardon, pour être précis, puisque Toulouse est... Non, c'est Ligue Europa, non, je dis des bêtises. Ligue Europa, hein, Coupe de France. Oui, non, c'est bien Ligue Europa. Oui, non, je dis des bêtises. Simplement, je pensais à ça, c'est que si jamais Toulouse ne participe pas, c'est Monaco qui sera repêché en Europa conférence. C'est pour ça que j'ai confondu. Mais on va suivre ce dossier, ça va durer aussi un petit moment, hein, et Toulouse fait tout, en tout cas, ce qu'il faut pour pouvoir participer à cette Ligue Europa. Qui arrive vite. Et puis tiens, si concernant les Coupes d'Europe, un petit mot concernant la Ligue des Champions et le tour préliminaire que va jouer Marseille. On sait, il y aura déjà deux matchs un match aller-retour au troisième tour préliminaire. On connaît pas encore l'adversaire de Marseille, mais on sait les potentiels adversaires. Il peut y avoir le Panathinaikos. Il peut y avoir, je sais pas si tu l'as pas vu cette info. Je crois que je l'ai vu, mais je me souviens pas de tous les clubs. Voilà, Panathinaikos, Dnipro. On a également, si je dis pas de bêtises, le Racing Genk, club belge, et puis Genève, le club suisse. Voilà, ce sont les potentiels équipes que Marseille pourrait rencontrer. Les matchs de ces matchs-là auront lieu. Je dis pas de bêtises, ce sera 25 juillet et 1er août. Alors c'est, on a le temps, hein, mais dans un mois, grosso modo, il y aura ces matchs-là. Et ensuite, Marseille connaîtra son adversaire pour le troisième tour de qualification avant un potentiel barrage. Hein. Il faut, on rappelle, jouer 4 matchs pour se qualifier pour les groupes. Hein. Et en cas d'élimination. Dans l'une ou dans l'autre barrage, il y aura quand même une qualification en Europa League. En Europa League et en, je crois que si tu perds en troisième tour, tu fais le barrage de Europa League. Et si tu perds en barrage, tu joues l'Europa League directement. Il y a quelque chose comme ça. Je sais plus exactement ce que c'est, mais quoi qu'il arrive, il y aura une compétition à jouer. Si tu te fais sortir de même du troisième tour. Mais bon, attends, si ce que tu dis est vrai, du coup. Donc, imaginons, on perd au troisième tour de Champions League. Du coup, on est reversé en barrage d'Europa League. Oui. Et si on perd ces barrages d'Europa League, est-ce qu'on est en Europa League? Bah oui, normalement, oui, hein. Ouais, ce serait n'importe quoi. Ouais. En fait, tu passes du Ligue des Champions à... mais je crois que c'est très compliqué, hein, les histoires de reversement, dans d'une compétition à l'autre. Mais si je dis pas de bêtises, si tu perds en barrage, oui, c'est ça, il y a forcément ça. Hein. Je suis dessus. Et les perdants, voilà, de barrage vont en Ligue Europa Conférence en phase de groupe. Mais l'info. Est-ce que du coup, c'est sûr, c'est en troisième tour de. Non, c'est ça que je voudrais voilà. Valider. Je sais plus. Je l'ai vu, mais c'est tellement. C'est tellement compliqué à comprendre que j'ai plus l'info. Je vais la retrouver tout de suite. Et quand tu perds en troisième tour préliminaire, c'est ici. Eh bien, les perdants vont en barrage de Ligue Europa. Ouais, c'est ça. Hein. Alors non, parce qu'il y a deux voies. Mais attends, c'est compliqué. En tour de qualification, il y a la voie des champions et il y a la voie de la Ligue. Le coup, c'est la Ligue. Oui, parce que la voie des champions, c'est les... Les champions. C'est les champions des, mais qui sont pas qualifiés. Voilà. Par le biais de leur indice UEFA. Je sais pas si c'est très clair. Bah, moi je comprends, après oui, je sais pas si. Oui, voilà. Parce que évidemment, on sait que normalement, avec des champions, tous les champions sont qualifiés. Oui, mais à condition que leur indice UEFA leur permette. Et il y a des clubs qui ne sont pas qualifiés via leur championnat. C'est le cas de pas mal d'équipes, hein, et donc si y a une défaite pour ces clubs là ils vont en barrage, mais Marseille, et en tout cas lui, dans la ligue, la voie de la ligue et serait qualifié directement en phase de groupe de la Ligue Europa. Donc ça veut dire quoi qu'il arrive, il y aura une Ligue Europa à jouer, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est sûr, mais bon. Ah bah à choisir, oui, il faut se qualifier. Hein. Et sur au niveau compétitif, oui, évidemment la Ligue des Champions, mais puis surtout pour toujours améliorer l'équipe. Si on veut faire un bon mercato, si on veut attirer les joueurs, il faut être en Ligue des Champions. Si tu joues l'Europa League, tu vas attirer beaucoup moins de joueurs ou des joueurs plus moyens et sans certitude. Donc, j'en veux pas l'Europa League, j'en veux pas. C'est bon, j'en ai assez. J'ai fait une finale, on a fait une finale en 2018, c'était bien, on a rigolé, c'était cool. Maintenant, on veut pas faire step. Hein, on veut la deuxième étoile sur le maillot. Bon, t'es un peu trop confiant là. Ouais. Non mais voilà, faut pas parler de ça. Faut vraiment se focus à fond sur la Ligue des Champions, sur le Sahara, jouer ses barrages. Voilà, y a pas d'autre solution possible. Voilà, faut se dire ça. Ouais, faut se qualifier. Ouais, c'est sûr. Ouais, il faut. Plus voilà, tu me dis pas la Tinaïco, tu me dis ni pro, je sais plus quel club suisse. Dnipropetrovsk. En Ukraine, non? Ni pro. Oui, Dnipropetrovsk. C'est ça que j'ai dit. Hein. J'ai perdu les noms. Ouais, mais... ouais. Ouais, non, mais tu pas. Sur le papier, voilà, on doit les battre 20 fois, ces clubs-là, et au final, on Racing Genk et Servette. Oui, voilà, c'est. Ah, voilà, Servette, oui. Servette Club. J'avais dit Genève, mais c'est. Non, je me suis trompé, c'est pas Genève, c'est Servette, pardon. Servette, okay. Racing Genk, Panathinaikos et Dnipro. C'est les 4 clubs qui sont dans la voie de la Ligue, donc c'est forcément ceux-là qui vont croiser avec Marseille. Et voilà, sur le papier, tu te dis, mais c'est facile à 100%, mais au final, avec les clubs français, on le voit chaque année dans les Coupes d'Europe, que ce soit encore Nice cette année en conférence. Enfin même Marseille pour plusieurs pendant plusieurs saisons on s'était surprendre par des petites équipes ou des je sais plus si c'est Marseille ou Lyon à une époque mais le Hapoël Nicosie enfin c'est on n'est jamais serein avec les clubs français et en fait c'est mon mal-être qui parle je m'arrête là. Bon bah, en tout cas voilà ce sera pas tout de suite hein. Le calendrier il est long. Là, c'est le tour préliminaire pour l'instant. Hein. C'est-à-dire qu'on a démarré, ça y est, on a démarré, en fait, la Ligue des Champions a démarré, hein, puisque D'accord. Tour préliminaire démarre le 27 juin. Ah non, c'est demain, pardon. Ah, voilà. Demain c'est les demi-finales du tour préliminaire, et puis ensuite, vendredi, c'est la finale du tour préliminaire. Okay. Bon, c'est des clubs, évidemment, il y a un club d'Andorre, il y a un club d'Islande. Voilà. Et celui qui gagne la finale va au deuxième tour de qualification. Ouais, c'est. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils mettent la musique de la Ligue des Champions quand même là pour les. Ah, c'est une bonne. Faudra regarder le match. Non, ça se diffuse, ça se joue en Islande. Voilà. Ouais. Et en fait, voilà les. Et en plus dans ce tour préliminaire, il y a des têtes de série, des non têtes de série, hein, quand même. Oui, et donc il y a l'Athletic Club d'Escalde qui est un club d'Andorre et qui a à l'indice UEFA qui a 1.033 voilà qui est le plus petit club qui dispute la Ligue des Champions mais ouais à mon avis il y a la musique hein, puisque ça reste la Ligue des Champions hein, c'est le tour préliminaire ben, ouais c'est la compétition ils ont logiquement les patchs sur les ah ouais il y a des chances hein. Je pense mais bah... C'est beau. Faudra regarder le match, si tu veux. C'est ça qui est marrant, c'est que dans un stade comme Valenciennes, il n'y aura jamais cette musique-là. Mais dans un stade pourri d'Andorre où il y a deux places, là, il y a la musique de la Ligue des Champions. C'est ça. C'est ça, football. Et ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà, la Ligue des Champions officiellement démarre demain. Et voilà. Finira, je sais plus quand d'ailleurs, le 1er juin. La finale. Oui, c'est le 1er juin. Non, je dis. Si, c'est le 1er juin. Ce sera le 1er juin, la finale. Et ce sera. Et c'est où? À Londres, à Wembley. Cette année. Wembley, ok. Voilà. Bon, ben voilà, pour être précis sur cette Ligue des Champions, en tout cas, qui démarre. Ouais. Et Marseille qui attend son adversaire, mais pas avant le mois prochain. C'est tout. Hein. Je regardais vite fait, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'infos en cours, en tout cas. Non, on a pas fait le tour, hein, je pense. Hein, on a pas mal de sujets. Juste une info, le Tour de France démarre ce week-end, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais, samedi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, samedi. Samedi, début du Tour de France. À Bilbao. Oui, pour démarrer, tout à fait. Et ce sera, d'ailleurs, ça va se concourir qu'à Bilbao, cette étape. Hein. Ouais, c'est ça. Après, il y aura, on reste. 182 km, ouais. Démarre. Après, il y aura Saint-Sébastien, puis après, on retourne en France avec Bayonne, notamment, et puis on va remonter tranquillement avant les fameuses montagnes. Mais bon, on en reparlera. Donc, c'est demain samedi et dimanche. Enfin, dimanche, bien sûr, il y a évidemment une étape. Et on fera un premier point lundi sur ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah oui, football, on le disait, on en profite pour faire l'agenda. On aura l'Eurosport Suite. Et on espère pas fin pour les Bleus. Mercredi, c'est déjà le dernier match de poule face à la Suisse. Il faut au moins un match nul pour se qualifier. Voilà, pour être sûr d'aller plus loin dans ce groupe. Voilà, donc ça c'est l'objectif pour les Bleus. Ensuite, en cas de qualification, les quarts de finale auront lieu samedi et dimanche. Voilà, pour essayer d'aller plus loin pour les Bleus. Et puis toujours en football, bah c'est tout en fait. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que l'Eurosport en cours. Hein. Oui, en attendant la Coupe du Monde des féminines. Ouais, il se passe pour l'instant rien d'autre. Si demain débute la Ligue des Champions, du coup. Je sais pas où vous pouvez suivre ces matchs, mais ce sera demain avec les. Même sur des sites. Le streaming, je sais même pas si c'est diffusé. Mais c'est le tout début en tout cas. Ça peut se trouver. Mais... Ça peut-être se trouver. Ça c'est donc pour l'euro, donc puis bien sûr les mercato qui se poursuivent bien sûr toute la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura la suite aussi de l'euro. Il y a aussi l'euro espoir chez les U20 en rugby. La Coupe du Monde U20. Alors. C'est pas vraiment les espoirs puisque c'est les U20, c'est les juniors. Il y a une nuance parce que les espoirs c'est les U21 je crois si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça c'est les U20 et c'est juste en dessous c'est les juniors en fait parce que je crois qu'il y a une distinction et il existe aussi une équipe espoir en rugby mais là ce sont bien les U20 donc la catégorie juste en dessous et qui joue ta Coupe du Monde et jouera face au All Black. Ce sera jeudi à 13h30 pour pourquoi pas valider la qualification déjà pour les demi-finales. Voilà, ce serait parce que c'est petit groupe et petite Coupe du Monde et ça va directement en demi-finale. Donc il faut pour ça déjà battre les Blacks et pour s'assurer cette place. Ça c'est en rugby. Voilà, en basket il y a plus rien non plus pour l'instant après cet euro féminin ça se calmera le mondial mais ce sera la fin de l'été donc on aura le temps pour les garçons jusque là c'est repos pour tout le monde quoi d'autre handball c'est même chose c'est le repos complet tennis on le disait cette semaine c'est qualification pour Wimbledon puis dimanche ça démarre voilà premier tour dès dimanche il y aura aussi d'autres petits tournois dans la semaine pour ceux qui veulent jouer déjà avant Wimbledon, une dernière répétition. Voilà. Et puis c'est tout côté tennis. Et puis en Formule 1 Grand Prix ce week-end qui reprend en MotoGP, c'est la pause, c'est la trêve jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais en Formule 1, on continue. Et rendez-vous dimanche pour le Grand Prix d'Autriche dimanche et pourquoi pas continuer pour Verstappen cette série de 4 grands prix pour l'instant de 4 victoires consécutives ce sera l'objectif pour lui évidemment et ben, je crois que c'est tout il n'y a pas grand chose évidemment c'est et puis ça va aller moins il y aura de choses mais on aura quand même des choses à dire la semaine prochaine et voilà pour le coup, et on choisit un dernier titre pour Hugo. Eh ben, ouais, pas de soucis. Bon, une petite ambiance estivale, un peu à l'ancienne, hein, fraîche, de Cool and the Gang. Ah oui, ça c'est un très bon choix, ça. Eh ben, ouais. Eh bien, on écoute tout de suite, et on se quitte là-dessus. Je vous donne des rendez-vous la semaine prochaine. Dernière émission sur les horaires classiques, puisque le camarade Manu sera encore là à 19h jusqu'à 20h30 pour son émission. La dernière de la saison, donc rendez-vous toujours à 20h30. Et à partir de la semaine qui suit, donc le 10 juillet, on passera en horaire été. Voilà, horaire estival, 19h30 jusqu'à... voilà, il n'y a pas d'horaire de fin, ça dépendra bien sûr du programme. Mais début 19h30 à partir du 10 juillet pour les émissions de l'été. D'ici là, eh bien, passez une bonne soirée et à une bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hugo, merci. À la semaine prochaine, à lundi. À lundi, bonne semaine à tous. Salut. Ciao, ciao. C'est parti, Queen the Gang, donc fraîche. Et vive le sport. Ciao. Can be. No one knows her name, she's just a mystery. aqui tão perto. Se está na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13. Previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, 27 de junho. Estamos então a aproveitar a última semana do mês 6. Seguimos até Paris. Terça-feira será de céu muito nublado, temperatura máxima a chegar aos 26 graus. No Luxemburgo também um dia em geral cinzento, com a temperatura a chegar aos 23 graus. Genebra, céu em geral pouco nublado, mais cinzento nas primeiras horas da manhã, mas a partir do meio da manhã o sol a rasgar entre nuvens, o período da tarde bem mais soalheiro, 28 graus de máxima esperada. Viajamos até ao Reino Unido, Londres com céu muito nublado e a temperatura máxima a chegar aos 22 graus. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Jura, fazias parar o meu